prêt? 3, prêt. 2, 1. Alors Clément. Quoi? Attends, PSG. J'entends le PSG là. Non, c'est quoi? Non, oh! PSG Barça. Allez Monaco, allez Bordeaux. Bonjour et bienvenue! Garde la salle. Allez. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode 35, épisode chill, à la cool, à la douce, comme on dit. Et je suis accompagné de trois personnes que vous connaissez et une nouvelle personne que vous ne connaissez pas et que vous allez être très curieux de connaître et qui vaut le coup d'être connu. D'ailleurs, c'est une véritable star sur TikTok. Voilà, sur Chic-Choc. Voilà, c'est d'ailleurs le TikToker au Normand, les gars, plus que connu. Voilà. Je vous donnerai après les coordonnées. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va? Oui, super. Est-ce que t'es en pantalon pas de def? Non, pas du tout. Je suis en pantalon cargo, tu vois. Alors, on va parler de ton film préféré. Oui. Après The Marvels. Oui. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est Madame Web. Un chef-d'œuvre absolu. C'est un chef-d'œuvre. On verra. Tu vas nous dire. En tout cas, pour certains d'entre nous, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, ou peut-être un bon film, je sais pas. On va essayer d'expulser le sujet assez vite du coup. C'est qu'à le dire, expulser. Expulser le sujet, voilà. Et on est accompagné de Mika. Mika, t'as une petite musique pour toi, t'as vu? Tu connais? Oui. Tu connais ou pas? Est-ce que tu aimes le café? Non, tu connais pas, c'est pas le macho, c'est pas grave. Voilà. Tu vas bien? Ça va. Ça va. Alors, il est en direct de ses chiottes. Hein. Je préfère vous le dire si vous entendez l'écho. Voilà. Il est en train de couler un bronze. Non, c'est dans ma chambre. Moi. Voilà. Et dans ta chambre, justement, qui est à côté des toilettes. Non, même pas. On verra. C'est pas loin. Pas loin. À quelques sabots près. Voilà. Et on est accompagné de Clément, notre TikToker. Bonsoir. Salut Bogos. Ah bon, je suis en écho? Bah non, c'est bon là, c'est plus en écho. Voilà. Clément, en direct du Parc des Princes, non? Non, le match est au Barça, Belgique. Donc du coup, c'est au Barça, ok. Tu vois le mec qui va jouer à la Ligue des Champions. De mon appartement. De ton appartement. En direct, Pont Audemer, TikToker, il va parler un peu de lui et surtout de la convention dans laquelle les enfants, nous allons pouvoir y aller grâce à Clément. Voilà, et nous parler de la convention... du Havre. Ouais. Ah, si on a plusieurs Havre, d'ailleurs, je vais poser la question l'autre fois si on avait plusieurs Havre. Voilà. Et on est accompagné la duchesse de DLP. C'est comme ça qu'on l'appelle, en vrai. Voilà. C'est vrai que c'est comme ça. Qui a été pour nous la reportrice, notre enquêtrice ou tout ce qui finit par trice, voilà, la matrice, tout pour le Lore Canadais 3. On va vous parler du Lore Canadais auquel tu as pu participer en tant que joueuse. Ouais, joueuse du tournoi. Hello. Joueuse, échangeuse. Enfin, échangeuse. Non, du coup, j'ai pas pris le temps. Ouais, échangeuse. C'est avec le tournoi. T'as fait que le tournoi. Okay. Ouais. T'as pu voir quand même des activités qu'il y aura, je suppose. Oui. Tu nous expliqueras à peu près ce que t'as pu voir et nous dire ton avis sur cette journée du Nord Canada. Et on pourra parler aussi à Clément, qui lui vend des cartes plutôt Pokémon. C'est ça, Clément? Yes. Ouais, Pokémon, plus Pokémon. One Piece aussi, je crois. One Piece, Dragon Ball, Pokémon. Après, leur canard est un peu plus difficile à avoir chez nos fournisseurs, mais ouais. Bah, tu nous en parleras, si ça te dérange pas un petit peu, pour nous expliquer justement les TCG, si ça fait fureur, notamment le dernier. Je crois que c'est Dragon Ball, je crois, qui est sorti en dernier là. Star Wars aussi. Star Wars, ouais. Et là, Star Wars aussi, hein. eh ben, tu nous en parleras. Voilà, qu'on puisse. Voilà, j'éteins la musique, c'est fait. Toc, voilà. Tu pourras nous en parler justement, parce que le dernier podcast, le numéro 34, alors j'ai pas compris, sur, on l'avait consacré à l'Orcana, il a fait beaucoup d'écoute. J'étais assez impressionné. Voilà. Merci encore. Alors, on va parler de Madame Web. Je propose d'expulser le sujet, voilà, qui fait mal. Voilà, Madame Web. Donc, ce film, je vais laisser. À la limite, je vois Olivier sourire du coin des lèvres, tellement qu'il a hâte. Genre voilà. Blasé en plus. Genre blasé, voilà. Genre il est blasé d'en parler. On a dit qu'on le ferait, il a payé 15 balles pour aller le voir, voilà. Ouais. Voilà, mais 15 balles, mais bien quoi. Il a Est-ce dit qu'il demande remboursement là, ça question. Fait mal, ça fait mal aux fesses. Il a craqué son PEL. Mika aussi a payé 15 balles du coup. Non, il est abonné, monsieur. Moi j'ai un abonnement. Voilà. Et est-ce que tu as payé 15 balles aussi, Nadège ? Non, moi j'ai payé 8 parce que c'était la fin d'une carte 5. Ah d'accord. Madame une carte. Mais au lieu d'aller voilà. voir Witch, je suis allée voir Madame Web pour vous. Hein. Je tiens à le signaler. Hein. C'est pour ça que je tenais à le faire quand même, parce que on reportait à chaque fois pour le faire. Faut qu'on le fasse. Et là, faut vraiment qu'on le fasse. Donc là, on le fait. Voilà, on le fait. Donc Madame Web. Est un film Marvel, bien entendu. Clément, je crois qu'il ne l'a pas vu. Voilà, non, du tout. En tout cas, je pense qu'on va te donner envie d'aller le voir, Clément. Ne t'inquiète pas. Là-dessus, je fais confiance à tout le monde. Voilà. Ouais. Bah, il ne pourra pas aller le voir, sinon ça ne passe plus. Hein. Oui, ça ne passe plus au bout de 3 semaines, je crois. Du coup. C'est dommage. Dire, c'est dommage, quel dommage. Voilà. Donc, ce n'est fait pas partie du MCU, mais du Sony. Spider-Man Universe, le SSMU de Sony. Donc, Madame Web, qui. Alors, l'histoire, elle est simple. C'est. C'est comme ça commence le film. Dans les années 70, la maman de Madame Web, alors c'est Cassandra Web. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu sur les comics, c'est deux B. Et là, je comprends pas, ils mettent qu'un seul B sur l'affiche. Je sais pas si t'as fait gaffe, Mika. Oui, non, parce que ça me perturbait, parce que je l'écrivais toujours avec deux B. Mmh. Et quand j'ai vu la fiche, je me suis dit, tiens, je me suis peut-être toujours trompé. Bah, écoute, apparemment, non. Donc, en fait, la maman de Cassandra Webb, qui est en deux coups la super-héroïne, Madame Webb, explore la jungle. Alors, je crois que c'est au Pérou. Voilà. Et elle étudie les araignées. Voilà. Et elle est accompagnée du méchant du film, donc c'est Ezekiel Sims, qui est aussi le méchant, d'ailleurs, dans les comics. Hein. Donc, voilà. Qui est joué par un Français, d'ailleurs. Et elle trouve une araignée. Bon, j'arrive pas à savoir si c'était l'araignée qu'elle cherchait ou pas, ou si c'était une araignée au hasard. Voilà. Qu'elle cherchait. Ok, donc Ezekiel va la frapper, je crois. Puis il voulait l'araignée. Puis elle est mourante, mais elle est enceinte. Et puis elle est aidée par la tribu locale pour qui a hérité des pouvoirs de l'araignée. Elle accouche, etc. Après, on tombe directement sur Cassandra Webb, donc la super-héroïne, qui est ambulancière. C'est à New York, je crois. Ou à Washington. À New York, je crois. New York. New York. Dans New le doute. York, ouais. Le doute m'habite. En un seul mot, bien entendu. Bref, elle est ambulancière. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais son partenaire, c'était Ben Parker. Oui. Vous avez fait gaffe Vous n'avez pas fait gaffe? Non, bah, peut-être pas. Tu vois même la mère de Peter Parker. Oui, j'en souviens tellement plus de ce film, tellement que je l'ai vu il y a longtemps. Bon, elle a un accident et puis on voit qu'elle a des dons de voyance. Voilà, et elle voit des événements qui se produisent. Qu'elles font comprendre pendant une demi-heure, tu sais. Ouais, et encore une demi-heure. Toi, t'as compris tout de suite et elle met 8 ans à comprendre. Ouais. Oh bah tiens, je vois des trucs. Je comprends voilà, pas. Voilà, et elle rencontre 3 femmes et qui sont des Spider-Woman. Voilà. Et elles sont toutes traquées par le méchant Ezekiel. Voilà, qui est très très méchant. D'ailleurs, c'est je crois le plus charismatique du film, d'ailleurs, si on peut dire ça. Qui lui a les pouvoirs de l'araignée, qu'il avait volé. Voilà. Je crois que, si je me trompe pas et que je m'en rappelle, je crois qu'il est poursuit parce que elles sont censées le tuer plus tard dans sa vie, je crois. Parce qu'il a des visions lui aussi, ouais. Oui, il a des visions. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il veut les tuer et puis du coup, il y a Madame Web, Cassandra qui est là. Voilà, mais avec son seul don de voyance, Voilà, si je peux me permettre de dire ça. Voilà pour cette introduction de Madame Webb. Voilà pour le synopsis. Et on s'arrêtera là pour le film. Non, je déconne. on pourrait s'arrêter là et dire c'est fini. Mais on a ici des traîtres qui ont apprécié le film. Voilà. Et des traîtres qui n'ont pas des traîtres, du coup, si on peut dire ça. Non, des gens qui ont aimé. Alors, j'ai envie de dire, on va commencer par Olivier. Pourquoi tu n'as pas aimé ce film? Bah, j'ai pas aimé parce que l'interprétation des acteurs est exceptionnelle, la mise en scène est grandiose, l'histoire est très intéressante, l'action est époustouflante. Voilà, j'ai été surpris de bout en bout. C'était le meilleur métis. Hein? Ouais, non, enfin, moi j'ai pas du tout. Le film raconte strictement rien en fait. Tu t'ennuies. Hein. Voilà, et puis comme on disait, le début, là, où elle comprend, enfin, elle a du temps à comprendre, la pauvre, qu'elle voit l'avenir. Ça dure, c'est bon, on a compris deux fois, trois fois. Et puis, il y a une scène d'action dans une scène de train où ça va encore à peu près, puis après, c'est t'as vu une scène d'action, toi? Moi, j'en ai pas vu. Oui. Hein. Bah, si, dans le train, oui, c'est une petite scène, c'est lunette, on va dire. C'est net, quoi. Mais... Voilà. Nadège, peux-tu nous dire pourquoi tu as aimé ce film? Bah moi, moi, c'est bien passé. Alors, à la base, j'allais le voir pour Dakota Jackson, qui est l'actrice principale. J'étais curieuse de la voir d'autres choses. Je crois qu'Olivier, c'est pareil. Et, à la base, et je trouvais que le trio des filles qui accompagnent le personnage principal matchait plutôt bien. Et c'est vrai, elles sont pas du tout agaçantes. Oh, mais t'arrêtes! Non, mais surtout que j'arrive pas à savoir. Enfin, si tu veux, dans la bande-annonce, ils te vendent quelque chose où elles sont toutes les trois. Genre, tu vois, t'attendais un truc comme un peu comme Farm From Home, tu sais, les trois Spider-Man qui travaillent en équipe pour battre les méchants. Moi, je m'attendais à un truc comme ça. Ils font dire, oui, ce que ça aurait pu être comme film, ça aurait pu être sympa. Hein. Ben non, vous l'aurez pas. C'est ça. En fait, t'as pas de interaction entre elles. Surtout que c'est mensonger, c'est vendu dans la bande-annonce. Oui, c'est vendu dans la bande-annonce. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, ce que tu vois dans la bande-annonce, en temps, c'est exactement ce que tu vois dans le film. C'est un 30 secondes. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que tu vois vraiment. Mika, pourquoi tu as aimé. Alors, toi, je sais pas, t'as aimé le film ou pas? Parce que je crois que oui, puis t'as l'air d'avoir trop, viré. T'as un peu viré ta cutie. Ouais, je l'ai bien apprécié quand j'étais au ciné. C'est-à-dire que moi, je me suis pas plus fait chier que ça sans avoir forcément ultra apprécié non plus. Je trouve qu'il était pas horrible, mais qu'il se laissait regarder. Après, j'ai pas payé 15 balles pour. Ça peut y jouer. Moi non plus, j'ai pas payé 15 balles. Mais non, moi j'avais trouvé le scénar, il casse pas trois pattes à un canard, c'est sûr. Il y a un scénar après. Et oui, il y en a un tout petit. Je te retrouverai le post-it où c'était écrit sur un coin. Parce que là, je viens de dire le scénar, je crois, au tout début. Je crois que c'est tout. Non, mais après, c'était. J'avais trouvé ça intéressant, comme ils avaient commencé à montrer ces visions. Et moi, les trois gamines que tu trouves ultra agaçantes, en fait, sont juste des gamines, donc ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai les mêmes dans le bus tous les jours. Donc, c'est pas. J'ai pas eu de problème avec ça. Elles n'ont pas de super pouvoir. Plus, non, mais dans le film non plus. Alors, du coup, ça m'a un peu déçu ce côté où je m'attendais à ce qu'elles obtiennent leur pouvoir dans le film et qu'il y ait quelque chose là-dessus. Et bah, pas un bras. Surtout l'absence de scène d'action, quoi. C'est hallucinant. Quoi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un film qui était pour moi bordélique. J'avais l'impression qu'il était écrit dans le désordre. Et j'ai l'impression qu'il y avait pas d'état, enfin je sais pas, je crois qu'il n'avait pas d'âme, ce film-là, il n'avait pas... Il dégage rien. Enfin je sais pas vous, mais moi il dégage rien. Après, moi je t'avoue que j'ai bien aimé, en fait, surtout les scènes en fait, où il y avait Ben Parker, sa femme, les trucs comme ça, pour le lore de Spider-Man, quoi. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a attiré dans le film, plus que le film, en fait. D'accord. Mais tu vois, ça fait très téléfilm en plus, je trouve. Un peu, ouais. Par contre, j'avoue. Ça fait un direct to DVD ou un épisode d'une série Netflix, quoi. Enfin, c'est pas encore, la hauteur. C'est mieux, film. Des fois, t'as mieux sur Netflix. Hein. Oui, t'as mieux sur Netflix, ouais, c'est clair. Mais après, le truc, c'est que je me dis, heureusement, à minimum, enfin, c'est ce que quand je l'ai vu, je me suis dit, heureusement qu'au minimum, t'as Dakota Johnson. Parce que sinon, tu te dis, ben ouais, c'est Madame Web, quoi. c'est ouais. honnêtement, enfin, Dakota Johnson, je crois que Dakota Johnson n'a pas aimé le tourner, enfin, elle l'a pas vendu, hein, ce film-là, d'après ce que j'ai compris. Elle ne l'a pas vendu. Elle a été extrêmement déçue parce que le scénario n'était pas du tout ce qu'ils ont tourné, c'est pas ce scénario d'origine. Ça a été réécrit. Ils changeaient tous les jours, je crois que tous les jours ils ramenaient un nouveau script. Sur le tournage, ils changeaient, ouais. C'est ça, parce ils ont changé le scénario X fois pendant le tournage. Et que du coup, bah ouais, elle était. C'est pas le film pour lequel elle avait signé. Non. On est. Ce qui est... Enfin, je sais pas vous, mais ce qu'on. De manière générale, on à part les dessins animés avec Spider-Man avec Miles Morales dont on a déjà parlé, je trouve que Sony, c'est enfin leurs films sont catastrophiques. Enfin, c'est Madame Web, c'est cata. Venom, on a déjà parlé, c'est cata. Alors je sais pas vous si vous entendiez beaucoup de ce film-là par rapport aux déceptions que vous avez eues avant, Mika. Bah, je m'attendais en fait à un truc dans le même genre que les autres, c'est-à-dire que bah ça se laisse regarder une fois, mais tu n'iras pas retourner le voir, quoi. Et moi, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai eu, quoi. Ouais, je l'ai vu, je le reverrai pas, mais c'était pareil pour les deux Venom, c'est pareil pour Morbius. C'est pas des films que je vais avoir envie de revoir parce que je les trouve pas exceptionnels, sans pour autant être des horreurs comme certains diraient ici, parce qu'on a connu bien pire, je pense, mais ouais, c'est pas le genre de film que je vais revoir. T'as connu pire que ce film-là ? Je sais pas, Olivier, t'en as connu pire que ce film-là ? Non, parce que je préfère même The Marvels, c'est pour te dire. On parce sent que The Marvels était quand même bien réalisé, quoi. Donc, ouais. Voilà. Oui, ça a été réussi par Clarkson. C'est une femme, je crois. Hein. Oui. Tu vois, il y avait des scènes, même si j'aimais pas les scènes où elles switchent entre elles, c'était bien réalisé, c'était vachement bien fait. Bon, après, il faut espérer qu'ils puissent. Je sais pas si Sony se rend compte que c'était une daube. J'espère pour eux. Mais je pense que oui. Sachant que j'ai été voir un peu les critiques de la presse, ils sont unanimes de manière générale. Ils dénigrent totalement. Oui, et même des personnes qui sont allées le voir. Hein. Ouais. Même moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui ont été le voir, ils étaient déçus. Après, t'as toujours dit ouais, faut arrêter de bâcher le film. Bah, si, quand un film est mauvais, il est mauvais. Hein, c'est tout, point barre. Faut pas avoir peur de le dire. Et au fond, on n'a pas entendu parler tant que ça. Hein. Non, parce qu'en fait, au final, je vois, par exemple, Olivier, il s'est dépêché de le regarder, parce que non pas parce qu'il avait hâte, parce qu'il avait peur que ça s'arrête au bout de deux semaines, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. J'étais quand même surprise quand j'y suis allée, il y avait du monde. Mais c'était au Disney Village et il pleuvait, donc c'était pour ça. Oui, et puis je crois que c'était perdu, non. Excusez-moi. Mon cher Space Parce que la salle était quand même plutôt pleine. Elle n'était pas blindée non plus, mais elle était bien pleine. Il y avait beaucoup de monde. Et toi, Olivier ? Elle était comment, la salle ? Ah ouais, comme nous avec... Et toi, Mika, une grande salle en plus. Hein. Ah ben moi, j'y suis allé en plein milieu de la semaine à des heures où il n'y a jamais personne. Donc, il n'y avait personne. Ouais. On était quatre dans la salle. Il y avait personne. Quatre, ouais. Et bon, je choisis mes séances exprès pour être tranquille en général. De manière générale, de toute façon, le public n'a pas aimé le film. Et les critiques du journaux, pareil. Enfin, le public, les critiques et les acteurs. Donc, Oui, et surtout l'acteur. Voilà. L'actrice principale. Voilà, l'actrice principale, voilà. Donc, après, c'est peut-être pour ça que se défendre. Est-ce qu'il y a un moment que tu as bien aimé, toi, Olivier, dans le film ? Non. Ouais. Je suis un peu comme toi, j'arrive pas. Parce que je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il y a un moment que vous avez aimé, un moment que vous n'avez pas aimé ? Et en fait, moi-même, j'ai pas cherché le moment que j'ai aimé. Non, il n'y en a aucun. Et toi, Mika, il y a un moment que tu as aimé plus particulièrement par rapport à un autre ? Je te dis, j'ai bien aimé les passages avec Ben Parker, oui. Un peu plus pour le lore de Spider-Man. Donc, comme je disais, c'est plus le côté Spider-Man qui m'a plu et l'a amené à sa naissance, te montrer un peu tout ça. Le flashback, les visions d'Ezekiel avec les trois Spider-Woman, enfin les deux Spider-Woman et la Spider-Girl de leur nom. Je les trouvais sympas visuellement, c'était sympa de les voir en costume, d'avoir les personnages qui apparaissaient et j'espérais les voir un peu plus que ça en fait dans le mais film. Mais surtout donc, que comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils te vendent au moins une scène d'action dans la bande-annonce, mais il n'y a rien. Oui, mais c'est la seule bande-annonce que tout ce que tu vois dans la bande-annonce, ça, à peut-être 5 ou 6 secondes près, c'est ce que tu vois dans le film, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Bah, fatalement, ouais, on te vend un truc qui n'existe pas. Mais cette scène-là, je l'avais bien aimée quand même. Bah, c'est vrai que leur costume était bien, bien fait. C'était convaincant, visuellement. Est-ce qu'on va les revoir à votre... Est-ce qu'on va les revoir? Moi, je suis pas sûr. Ouais, c'est sûr que non. Je pense que c'était peut-être le but à l'origine de faire un Madame Web 2 où elles étaient toutes les trois avec leur pouvoir, tout ça. Et que, bah oui, non, il n'y aurait jamais de suite, soyons clairs. De toute façon, à part Venom qui a eu une suite et qui n'aurait jamais dû, et qui va en avoir encore une autre, malheureusement. Attends, Venom 3, c'est cette année, non? Non, mais Venom a cartonné en Chine. Hein. C'était un carton. Hein. Ah ouais? C'est pour ça qu'ils ont fait le 2. Hein. Ça a vraiment cartonné en Chine. Ouais, mais bon, le 2 a marché aussi, puisqu'ils ont fait un troisième dans pas longtemps. Et Morbius, c'était quand même une horreur aussi en soi. À part quelques scènes sympas, le film était quand même pas exceptionnel. Et puis là, Kraven le chasseur, je pense que ça va être un peu... Déjà, la bande-annonce fait pas envie, hein, c'est pour tout dire. Et surtout qu'ils le font en anti-héros. Ils le font en anti-héros, ils le font même pas... ils le font les méchants. Ils prennent des méchants ou des personnages méconnus et puis ils en font n'importe quoi avec. Attends, tu vas voir El Muerto aussi, tu sais. Non, ça a été annulé, ça. C'est sûr que ça a été annulé, El Muerto. T'es sûr de toi? Tu peux être surpris avec Sony. Oui, on peut être surpris, mais... Non, je pense que le problème, c'est que tu peux pas faire un univers Spider-Man sans Spider-Man. Ça commence à se voir à un moment donné. Oui, c'est sûr. Oui, de toute façon... Et là, ils auraient pu, avec les Spider-Woman, les mettre en place et faire un film Spider-Man, finalement, avec elle à la place. Et je pense qu'ils ont loupé le coche, en fait, de lancer ça plus que d'avoir un film tout le long, une vision. Le faire tout de suite, ouais. Moi, je rêverais d'un film avec Spider-Man, Miles Morales et puis Spider-Gwen. Bah, il y a un truc de prévu pour Spider-Man en live. Ils veulent faire un truc live sur Spider-Gwen, donc à voir après ce qu'ils vont le relier. Est-ce que ça sera la même Gwen? Est-ce que... Ouais, bon, on verra. Bon, en tout cas, les films de Sony déçoivent. Par contre, le dessin animé, il claque. Ouais. Donc, ça claque sa mère, hein, pour dire. La différence, c'est qu'il y en a un où ils ont mis des années à le faire et l'autre où ils ont mis quelques mois à le défaire. Ah, j'ai cru que tu allais dire quelques jours. Quelques jours seulement. Je pense qu'il y a quand même quelques mois dans ça. On ne chie pas une merde pareille en quelques jours, tu vois. C'est travaillé quand même. Ouais. Ah ouais, Un minimum. C'est surtout que les acteurs ne veulent même pas le vendre, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, si même les acteurs ne veulent pas vendre leur propre film où ils jouent, tu te dis, ça fait peur quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que bon, bah, pour les jeunes actrices, c'est quand même le genre de truc qui pourrait t'amener à leur niquer la carrière. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait là. Là, je crois que c'est fait. Je sais pas si. Tu vois les ados en Spider-Woman, moi, je verrais bien ça. Ça serait sympa en série télé. Oui, comme tu dis, ça fait téléfilm. Tu sais, elle a style Arrow, un truc comme ça, ça pourrait être vraiment sympa en série télé. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça qu'ils auraient dû faire finalement, le développement de leur pouvoir pendant le film, avec un affrontement à la fin où elles ont leur pouvoir et tout, serait vachement mieux passé que, bien sûr. Que juste on montre une scène où elles se font dézinguer, on empêche ça, on remontre une scène où elles se font dézinguer, on réempêche ça, on remontre... Le film est répétitif là-dessus, en fait, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui va se passer à un moment donné. C'est-à-dire quand il y a une grosse scène d'action où elles se font attraper par Ezekiel et démonter, bah, tu sais pertinemment d'avance, tu n'as même plus en fait, de crainte, entre parenthèses, qu'il leur arrive quoi que ce soit, tu sais que c'est une vision. C'est un des problèmes du film, c'est que tu n'as pas de pression tout le long, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En même temps, c'est toujours le problème que quand tu as des films qui sont pas faits par des fans Marvel, tu sais. J'ai l'impression, en fait, il a été fait sans connaître le personnage de Madame Web, sans connaître l'univers non plus de Spider-Man. Voilà. T'as l'impression qu'il a été fait parce qu'il fallait le faire. Il a été fait parce qu'ils n'ont pas les droits pour Spider-Man, il faut faire de l'argent, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour, et puis c'est tout. Hein. Là, ils en perdent hein, plutôt qu'ils en gagnent. Ils en ont perdu, ouais. Ça me fait penser, tu sais, est-ce que tu dois vraiment sortir un film de ce calibre-là si tu sais que t'es perdant? Mais ça parce que ça parle... au niveau de la com, c'était un peu haché aussi. Hein. Enfin... Bah, en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était moisi leur truc. Le fait que tu vois qu'ils réécrivent le scénar pendant le tournage, c'est qu'ils se sont déjà rendus compte, ça se trouve, c'était pire que ça même, tu vois. Pour réécrire, changer les scènes le jour même, c'est que le truc va pas, quoi. Donc, enfin, tu vois, c'est, oui. C'était perdu d'avance, je pense qu'ils le savaient. Parce qu'ils ont même pas fait pour, les, actes, même pour les acteurs, ça devait être invivable. Tous les jours, avec des nouveaux scénars, vas-y, faut que tu dises ça. Enfin, même ça. Et ça doit être chiant pour tout le monde. Ça se trouve, tu avais un scénario d'enfer et en fait, les mecs, ils y ont pas cru, ils l'ont changé oui, tellement qu'ils ont fait une horreur. C'est ça, ouais, c'est possible. Peut-être qu'au départ, c'était très bien. Et puis... Les mecs, ils se sont dit non, ça passera jamais, on va pas oser, on va passer sur autre chose, ou on n'a pas le budget. Hein. Tu sais, des fois, ils disent finalement, on n'a pas les sous pour ça, on va le foutre ailleurs. Ouais, mais dans ce cas-là, tu sors pas le film. Enfin, je sais pas. Tu bah, ils auraient dû. Ces gardes-là, le Disney, ils ont abandonné des films parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent. Je pense qu'ils auraient dû faire tout, presque. Il verra jamais le jour. Il y a des séries qui ont déjà été tournées et je crois qu'ils vont pas voir le jour. C'est comme Batwoman, hein. Il avait été tourné et tout. Hein. Hier, ils ont dû faire comme DC avec Batwoman et finalement, alors que le film était fini et quasiment en post-prod, enfin il était en post-prod, ils l'ont annulé. Ce qui est con parce que celui-là, j'aurais bien aimé le voir. Moi aussi, surtout, j'ai pas compris que tu le mets en streaming en fait, au pire. Enfin, je comprends pas. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir annulé, ils se sont fait rembourser par les assurances et compagnies. Ouais, c'est ça, l'assurance, ouais. C'est limite de l'escroquerie, le truc, en fait. Ah, je pense que c'est le genre de film qui va voir le jour, quand même, un jour ou l'autre, apparaîtra. Sortira dans des tiroirs, ouais, bien sûr. Ouais. Je pense aussi, on le verra. Tenez, on a trouvé ça dans nos archives. Oh, la pépite. On a trouvé ça dans les poubelles. Alors, regarde, on a bien trouvé le film des 4 Fantastiques qui n'était jamais sorti nulle part. Finalement, tu le trouves n'importe où sur Internet, maintenant. Oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, non, mais ça va se terminer comme ça. On retrouvera comme ça. Oui, je pense qu'on retrouvera. Je ne sais comme même ça. Pas s'il y a une plateforme de streaming qui accepterait de le streamer ce film. Bon, je sais. Tu sais, même si ça leur coûte rien. Ouais, mais bon, tu te dis quand même, un film comme ça, qu'on te vend avec des belles scènes d'action dans un bord d'annonce, avec 3 Spider-Woman, un méchant, tu dis, ouais, ça va être trop bien avec des scènes avec les toiles qui partent partout, ça va valdinguer, valser et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est de l'escroquerie. Voilà, c'est de la publicité mensongère, monsieur. Mmh. Voilà. Bah non, tout ce que tu as vu dans la bande-annonce est dans le film. Ouais. Oui, mais on te c'était croit. L'essentiel. Voilà. Voilà. Si vous voulez voir le film, les gens, regardez la bande-annonce. Voilà. Parce que la bande-annonce te vend, vous voyez, vous allez voir un film avec des Spider-Woman. Ouais. Par contre, les costumes sont bien. C'est vrai que lui a raison. Ça, c'était bien fait. C'est pour ça que ça aurait pu être pas mal, franchement. Ouais. En plus, je trouvais que les costumes étaient vendeurs dans l'abondance. Oui, mais c'est ce que je te disais. Ils auraient dû faire un film où tu les vois obtenir leur pouvoir au fur et à mesure, ou plus de scènes dans des visions ou quoi, pour que tu les vois. Il y a un peu de quoi elles auraient été capables, quoi. Plutôt que de les voir sur une scène qui doit durer peut-être 2 minutes à tout péter dans le film, que tu revois plusieurs fois en plus. Ouais. Mais tu sais que dans ce film-là, je dis, allez, c'est le méchant qui va avoir le gros rôle, tu vois. Au moins, si les gentils sont pas terribles, au moins le méchant, il va avoir un super rôle et puis c'est lui qui va se dégager du film. Même pas. Non, mais en plus, ils ont fait des choses ridicules. C'est-à-dire, quand tu vois Ezekiel dans les comics, qui a un minimum de charisme, et là, bah, ils ont voulu faire comme il est dans le comics, c'est-à-dire qu'ils le font marcher pieds nus. Sauf qu'en fait, il est ridicule, du coup, à marcher pieds nus. Soit en costard avant, Ezekiel est complètement abîmé, il a pas de chaussures, c'est pas pour rien. Il chasse les Spider Totem, enfin à l'origine il en capture un. Il va aider Spider-Man à un moment donné, enfin il est très relié à l'univers Spider-Man et c'est pas juste un vulgaire méchant comme ça qui veut juste pas mourir. Ils ont quand même un peu niqué le perso d'Ezekiel qui est un point plus important que ça. Oui, c'est pour ça que le méchant il dégage rien. Voilà. Enfin, je sais pas, Nadège et Olivier, mais. Non, à la limite, le personnage qui dégageait plus parmi les méchants, c'était son assistante. C'était celle qui était à l'informatique, là. Je trouve qu'elle avait plus de prestance. Enfin, elle avait plus. De fraîcheur, tu veux dire, peut-être Je sais pas, son personnage était plus charismatique. Il y avait un truc, quoi. Alors que. C'est pas de la faute de l'acteur, il est mal écrit, hein, son rôle, c'est tout. Ouais, on est d'accord, quand même, une petite mention spéciale pour la tribu Aranya. qui sont tous aussi ridicules les uns que les autres, ah, au avec début. Leur filet sur la tête, faire panier, là. Oui. Avec la scène sur 200 fois où il descend de l'arbre tout le long du film. Tout ça pour se retrouver avec un mec où tu vois que c'est juste un, quand même un acteur américain, quoi. Il a absolument rien de péruvien, le. Oui, oui, c'est sûr. C'est un américano-péruvien. Ça, t'as pas compris. C'était le concept. Ah, c'était ça, pardon. C'était ça. Bon, voilà pour ce petit. Voilà, fallait qu'on le fasse quand même, même si on n'a pas aimé ce film-là. En tout cas, allez le voir, les gens, quand même, histoire de vous donner une petite idée. Bah, ils peuvent pas. Ou pas d'idée. Bah, non, non, mais. Bah, alors, voir, tu peux bah, vous pouvez pas, mais je veux dire, dans le sens, si vous avez l'occasion. Vous tombez malencontreusement sur un site bizarre, ou si vous tombez sur un stream, sur une chaîne, sur une application, etc. Bah écoutez, allez le voir. Clément, il a envie de le voir, je le sais, je le connais par cœur, on lui a donné envie d'aller voir ce film. Voilà. Non, c'est faux. C'est faux. Voilà. Pendant que vous parliez, je regardais un peu les avis du film. Et bah, c'est vachement flingué quand même, 1,7 de notes. Que des bonnes critiques, j'ai sympa. 1,7 sur 100 ça fait oui. Non, sur 1000, Benji, sur 1000. Ah, mais sur 1000, ok, bon, du coup, c'est... oh là, c'était il y a longtemps, alors, du coup, c'est vraiment là, t'as la marge. Mais bon, après je reste persuadé qu'ils l'ont sorti pour le sortir. Ils savaient que c'était foireux, et mais dans ce cas-là, ne sortez pas, le sortez pas, c'est tout. Ah, alors, ils ont tenté le coup. Juste une question, le film, on est d'accord, il est produit par Sony, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf que ça fait à peu près un an, voire même un an ou un an et demi, que Sony, en généralité, économiquement, sont dans la difficulté, aussi bien sur tout ce qui est jeux vidéo. Même là, on a appris que Sony venait de licencier, si je ne me trompe pas, 600 ou 900 salariés. Est-ce que ce film, qui est de mauvaise qualité, ne vient pas aussi d'un problème budgétaire de chez Sony? Et d'où le fait que les scripts ont été changés petit à petit à cause de ce budget manquant. Ouais, ils ont peut-être eu des restrictions à cause de ça. Non, parce que Venom, c'est déjà très mauvais et il y avait du budget. Hein. Donc, Ouais, mais sauf qu'ils ont fait du bénéfice sur Venom. Oui. Oui, mais c'était très mauvais. Mais c'est ce que je te disais. Ça a marché qu'en Chine. C'est ce que je te disais. Et c'est ce que je te disais. Hein. Je pense qu'ils ont dû avoir des scènes où on a dû leur dire non, mais en fait, pas le faire, ça coûte trop cher. C'est clair, parce qu'il n'y a pas d'action, donc le combat final, il n'y en a pas, enfin c'est ridicule, ça dure 3 secondes. Il est ridicule, non, mais c'est on sent le ça ton pas dépit. Pourquoi on va rester aller voir des mauvais film, souvenirs hein. Je l'avais presque dis-toi, oublié ce film. Et comme a dit Clément, tes 15 balles ont servi à éviter le licenciement de plusieurs personnes chez Sony. Bah attends, je ne sais même plus combien c'est, attends, je vais regarder. De toute façon, c'est pas si PlayStation qu'ils ont, je crois que c'est... Bon, après, tu veux dire, c'est la même chose. C'est Sony. Non, mais pour Oli, ce qui aurait fonctionné, il manquait les chats. Il aurait fallu des petits chats. Les chats qui avalent les chats. Des petits chatons comme dans voilà. Une comédie musicale, un petit peu, tu vois. C'est ça. Limite, ça manquait. Sony, ils ont licencié 900 salariés sur la partie PlayStation. Ah oui, quand même. Mais tu vois, il y a des films de Sony, moi, que j'ai vachement bien aimé. Genre Uncharted, j'ai bien aimé. Ouais, vachement, c'est distrayant, quoi. Oui, ouais, mais ça passe, quoi. Ça passe mieux qu'un Madame Web, excuse-moi. Ah oui, non mais oui, bah. Tu vas me dire que tu passes mieux. De toute façon, c'est le pire film pour Olivier. Alors tout est mieux que Madame Web. Hein. Bah oui, de toute façon. Je te dis, The Marvel, ça mérite l'Oscar du meilleur film. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Non, je te donnerai quelques liens pour quelques films. Tu verras que Madame Web est un chef-d'œuvre à côté. Hein. Oui, je m'en doute, c'est toujours pire. Si, c'est, tu sais, le film avec Winnie. Comment on c'est Honey and Blood, tu sais. Bah, je l'ai pas ils ont fait un 2. Ils ont fait un 2. Donc, voilà. Donc, il est. Il y a Bambi aussi, je crois. Ah oui? J'ai vu la bande-annonce. Genre Bambi, il bouffe des hommes ou un truc comme ça. C'est Bambi qui tue des gens, oui. Il se venge des chasseurs quand tu es ta mère. Il se venge ta tuer ma mère, je vais bouffer. Et en plus, c'est un cerf en image de synthèse et tout. Enfin, il est pas trop mal fait pour le coup. D'accord. Bah, tu sais, ils sont en train de faire pareil avec Mickey, hein, maintenant qu'il est passé en les premiers Mickey en libre. Ils sont en train de faire un jeu d'horreur dessus. Et un film aussi comme Winnie avec un tueur qui a le masque de Mickey. Ouais. On avait parlé sur le podcast, j'ai aimé ça, en souvenir. Ouais. Ok, bon, on a fait le tour. Je pense que le prochain film dont on va parler, les amis, je vous le dis, ça va être Ghostbuster. C'est obligé. Ça va être un hors-série sur Ghostbuster. Voilà. Bon, il faut que j'aille le voir. Là. Allez au cinéma, les gars. Ah bah, l'autre fois, ma maman est venue et elle me dit, tiens, j'ai retrouvé une cassette vidéo à toi. Je fais, ah bon, t'as trouvé quoi? Elle m'a dit Ghostbuster. Et du coup, on n'a plus de magnéto. Donc voilà. Mais du coup, on ne peut plus. Donc voilà. Donc si quelqu'un a un magnéto, voilà. Et du coup, Ghostbuster, c'est vrai que je me suis dit, j'arrêtais pas de regarder. Moi, j'ai dansé sur la chanson pour un gala de danse. C'est le moment, on s'en fout. Voilà. Non, en tutu. Voilà. C'est vrai, Parker Junior. Mais tu veux parler quoi, du dernier film? Oui, il est au cinéma, là, j'ai vu. Le dernier est sorti au cinéma le 10 avril. Ouais, mais je vais le voir. Il y en a qui n'ont pas aimé le dernier. Le premier. De quoi? Il y en a qu'un seul autre. C'est celui avec les meufs là-dedans. Là. Oh là là, c'était catastrophe. Ah oui, non, celui-là pour moi, c'est pas un Ghostbuster. Hein. Je l'ai mis de côté. Je l'ai même oublié. Je l'ai même oublié avec, comment il s'appelle, Chris Hemsworth, qui joue un peu le secrétaire de notre service. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, de toute façon, il y en a qui viennent, c'est le premier, puis point barre. Hein. Franchement, même le 2, il est pas. Oui. Oh, le deuxième aussi, bien. Oh non. Non. De toute façon, quand il n'y a pas Bill Murray, c'est dur. Faut dire ce qu'il y a. Bah, les deux derniers, enfin, j'ai pas vu le dernier, mais celui d'avant, j'ai pas aimé non plus. Il y a Ant-Man dans le dernier. Stranger Things version Ghostbuster, là. J'ai pas aimé. Bah, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Pas bon, on en parlera du coup. Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas détesté, si tu veux, mais j'étais très déçu. Un bon moment de cinéma. T'es 15 balles, là, ça les valait. Bah, après, faut se dépêcher parce qu'il marche pas, hein, donc je suis pas sûr qu'il ira longtemps au cinéma. Puis ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ouais, non, je pense que la semaine prochaine, ça va le faire. Encore. Le 10 avril, ça va, il est sorti une semaine. Ah oui, qu'une semaine, voilà. Je pensais que ça faisait moins 3 semaines déjà. Non, c'est... D'accord, ok. T'écoutes pas, bravo, mauvais élèves. Nignin. que Godzilla, King Kong... De toute façon, c'est quand même extraordinaire. On a la seule personne au monde, dans ce podcast, qui a aimé le film Madame Web. Et The Marvel. Et bravo. Même Clément, il l'aime pas alors qu'il l'a pas vu, Nadège. Oh. Donc, oh, voilà. Non. Oh non. Bon, allez, on va passer outre maintenant. Madame Web, c'est fait. Nous allons parler. Alors, Clément est là pour ça, les amis, puisque en fait, j'avais prévu de faire un point sur les conventions geek. Sais-tu, Nadège, ce que c'est qu'une convention geek? C'est là où on réunit tous les geeks. Je sais pas. Est-ce que Clément, on peut appeler ça une convention geek? Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Je trouve que le mot geek ça passe, mais maintenant il y a aussi de la pop culture, il y a du manga, il y a. Alors on va appeler ça des conventions pop culture, du coup. Ouais, c'est ça, à peu près dans ce principe-là. Mais on va dire les conventions geek, gamer, pop culture, manga, sci-fi. Bah, en fait, non, c'est pas ça, mais ça dépend de chaque convention. Moi, je te dirais, pour la Ponto Geek, on est vraiment plus sur du jeu vidéo. Là, celle qu'on fait au Havre, la Japan NorthCon, on a un peu appuyé sur le côté Japan pour les mangas, sur les figurines, tout ça, et con un peu sur la partie un peu pop culture ou autre qu'on peut retrouver. Tu parlais encore de The Marvels, là, sur Madame Web. Est-ce que tu as dit la partie con? Et j'ai fait, oula, il est en train de parler de The Marvels ou Madame Web. Ouais, désolé, j'étais en retard, c'est pour ça. C'est pas grave. Non, mais dans tous les cas, voilà, c'est une convention qui réunit des fans, on va dire ça, des fans de manga, de science-fiction, de pop culture, voilà. Voilà. Moi, j'allais avant à la Comic-Con quand c'était à Villepinte. C'était avec la Japan Expo. C'était réuni à un moment donné, et puis après, ils sont partis à la Villette, et là, c'était beaucoup moins bien, et j'ai arrêté d'être allé à la Comic Con. Alors je sais pas s'ils ont encore déménagé la Comic Con, mais quand j'avais été au Hall de la Villette la première année, ça m'a tellement déçu et j'ai arrêté d'y aller. Mais je vais tout le temps à la Japan Expo parce que c'est bien la Japan Expo. Voilà. Vous avez déjà été à la Japan Expo vous? Non. Ah Lucas, t'es allé toi? T'aimes bien? C'est vachement bien je trouve. Puis le lieu est sympa et tout. Donc le lieu est sympa, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, de payer pour rentrer dans un immense magasin. Bah oui. C'est un peu ce que c'est devenu avec les années, en fait. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins. Ah non, moi j'y vais surtout pour le cosplay. Tu vois, j'adore voir tous les gens déguisés. Je pourrais me poser, tu vois, et regarder les gens déguisés. Moi j'avais fait le Paris Tokyo Game Show. T'avais quoi là ? Le Paris Tokyo Game Show. Et c'était comment ? Bah, c'est un peu le même principe. Hein. C'est là que j'ai eu un autographe d'Anthony Daniels, c'est 3PO. Hum. Et de l'homme à la cigarette d'X-Files d'ailleurs. Non, c'est un peu le même principe. Hein. C'est du cosplay avec des invités. Donc, vous avez des conventions. Je vais appeler convention geek hein, pour faire un terme général. Des conventions geek qui sont un peu des grosses usines, on va dire. Comme Japan Expo, Comic Con. Je crois que la Paris Manga. Il y a Paris Manga, je sais pas quoi aussi. Clément, aide-moi. Paris Manga. Paris Manga, Paris Manga. T'as tout ce qui est Comic Con après. Bah, je suis perdu, moi, en fait. Ouais, il y en a tellement. En fait, c'est des grosses écuries. C'est des grosses écuries, en fait, surtout centralisées dans les grandes villes comme Paris. Et puis, vous avez, alors ça, j'aime bien, c'est vous avez des petites, si je peux me permettre, c'est une expression, mais vous avez bien compris, des conventions de petites moyennes qui sont vraiment agréables, où tu passes des belles journées avec des beaux programmes. Alors, je pense effectivement à la Ponto Geek que gère Clément à Pont-Audemer. C'est ça. Voilà. Après, tu peux insister sur le Ponto de mer quand même. Hein. Attends. Ponto de mer. Voilà, je préfère. Alors, je vais faire pont, trait d'union, eau de mer. C'est ça, exactement. Eau de mer, A-U-D-E-M-E-R, hein, pas eau de mer, voilà, c'est pas la mer Méditerranée ou l'Atlantique. Quoi. Non, c'est un océan, excusez-moi, mer de l'Europe. Voilà, mais vous avez la Ponto Geek, on a aussi en Normandie la IFTO Cost Game Show, qui est d'ailleurs bien. Voilà. Bah, qui est dans deux semaines. Oui. Tu y vas, toi ? Ouais, j'y vais. Je suis partenaire d'événements avec ma société. Et on a l'espace gaming et un peu quelques autres animations avec. Voilà. Et il y a la Japan, NorthCon, où on verra Olivier et Mika. Voilà. Et on pourra même, avec Olivier, toucher Mika. Oui. Le vénérer. Clément, tu pourras le toucher aussi. Voilà. Bon, ouais. Je vais me faire un cosplay Mika. Je vais me déguiser en Batman. Ah ouais, enfin non, c'est pas Batman, c'est Bat Cronenbourg. C'est Bat Cronenbourg. Alors, tu vas venir en cosplay alors, Mika ? Ouais, faut que je le répare, mais ouais. Parce qu'il en a un seul et c'est Batman. Voilà. Alors, j'en ai plusieurs, mais c'est le seul que je porte pour le moment. Bon, alors du coup, on te verra en Batman et Olivier sera, du coup, je sais pas. En Madame Web. En Madame. Voilà, et Clément, seras-tu déguisé ? Non, parce que moi, du coup, vu que je suis dans l'organisation, je vais pas du tout avoir le temps. Tu auras une casquette ? T'auras une casquette ? J'aurai une casquette. Est-ce que t'auras un slip, déjà ? Non, qu'un string en dentelle. Un string en dentelle. Bon, une casquette. En tout cas, il y aura ton rayon, enfin ton rayon, ton emplacement. Ouais, c'est ça. Après, si on prend la convention pour un peu approfondir sur la NorthCon, on a 110 stands. Concrètement, c'est-à-dire dans les 110 stands, on va avoir de la vente, on va avoir des artistes, des créateurs, des associations de cosplay, des auteurs, des mangaka. On va avoir des espaces. Alors, explique ce que c'est que des mangaka, parce que nous, on sait ce que c'est, Mangaka, c'est des gens qui écrivent, qui dessinent des mangas, tout simplement. Ouais. Et là, pour le coup, on a pas mal d'auteurs normands, parce qu'il y a des mangaka normands, on pourrait pas penser. Il y en a sur Caen, il y en a sur Rouen, et ils seront mis en. D'ailleurs, on appelle ça des normangas. C'est ça, exactement. Ouais. Non, je sais pas comment ça s'appelle, non, c'est des mangas. Non, la particularité de ces conventions-là, c'est qu'il y a des programmes avec. Il y a toujours une scène. Clément, il y a toujours une scène, on est d'accord. Ouais, il y a toujours une scène. Nous, en tout cas, pour celle-là, du live, il y en a deux. Il y a deux scènes. Une scène un peu générale et une autre scène avec beaucoup plus tout ce qui va être musique, concert, animation, gaming dessus. Juste pour vous informer, je pense, Clément, que ta nièce va rester devant Just Dance toute la journée. Ah bah, et en plus, Irina, elle gère de ouf. Hein. Franchement, le Just Dance, l'équipe, elle est top. Même sur l'espace Just Dance, après, on va avoir des concerts de K-pop avec des danseuses. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, il y aura des musiciens de K-pop ou il y aura juste des danseuses ? Putain, yes ! Désolé, Paris a de marqué. Ça, c'est un direct en léger différé. En léger, léger. Très léger différé. Donc, du coup, il y aura des danseuses de K-pop, effectivement. La K-pop, alors, du coup, comment tu définirais ça, Claire? Alors, de la K-pop, c'est la K-pop, ça vient de Corée. C'est pas le Japon, déjà, c'est la Corée. Non, ouais. Non, c'est coréen. C'est un peu comme des, je sais pas comment on peut appeler ça, un peu comme des gangs en fait, des bandes, enfin plutôt des bandes que des gangs, mais c'est des regroupements de danseuses avec un peu chaque personnage, enfin chaque danseuse a son propre personnage et bah après il y a une danse, il y a une mise en scène, c'est un mélange de danse, de choré et de pas mal de points ensemble. Je saurais pas. Un peu comme la Macarena quoi. C'est une Macarena mais coréenne. Karen, quoi. Et on l'appelle la maca coréenne. La maca coréenne. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc il y a quoi d'autre? Alors, du coup, il y a cette convention. Elle est plutôt axée du coup sur le Japon du coup et la Corée avec des activités qui sont liées, les jeux vidéo avec Just Dance. Mais il y a aussi, alors ça, il faut le savoir, c'est que alors, on le voit souvent sur certaines conventions, mais on n'est pas habitué. C'est ce que j'appelle, moi, l'art du doublage. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde, et c'est vrai, des mangas, des dessins animés, des films en version française. Mais derrière cette version française, il y a une voix française avec un acteur doubleur. Je crois que ça s'appelle comme ça, Clément. Non, on appelle ça vraiment un comédien de doublage. C'est vraiment le terme qu'il faut ouais. utiliser. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Okay. Comédiens. Et parce que attention, ça c'est le sujet un peu tabou hein, sur ce métier-là. On est en train de on est en train de être sur un débat ou pas justement sur. Sur la convention en elle-même ou sur les comédiens de doublage. Sur les comédiens de doublage de manière générale. Sur les comédiens de doublage, ouais. Ouais, c'est un mélange de débats, c'est un mélange de pas mal de choses. En tout cas, y en a qu'on connaît tous, Richard Darbois par exemple qu'on connaît, pour les voix de Buzz l'éclair par exemple, le génie d'Aladin, etc. Brigitte Le Cordier. Brigitte Le Cordier, alors là tu vas faire plaisir Olivier. Je suis fan. Qui fait la voix de Sangohan. Voilà. Spider-Man. Donald Rignew qui fait la voix de Spider-Man. Ouais, mais elle a fait Sangohan enfant, je crois aussi. Ah ouais? Aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Je savais pas, tu vois. Si, elle a fait aussi la voix de Sangohan enfant. Voilà, il y a aussi. Alors je disais tout à l'heure Donald Rignew. Il y en a qui vraiment sortent du lot, il y en a qui sont moins connus. Il y a Dorothée aussi. Ouais, Dorothée Pousseau qui est extrêmement connue aussi. Ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant, et moi de pouvoir le voir depuis que j'organise des conventions, c'est que le métier de comédien de doublage est vraiment reconnu, ce qui n'est pas forcément le cas auparavant pour les gens. Et en fait, les gens s'approprient leurs personnages, leurs animés ou leurs personnages de manga ou même de série par rapport à ces comédiens de doublage-là. Et comme Brigitte Le Cordier, les gens ils font 3 heures à 4 heures de queue juste pour la voir. Non, ça ne m'étonne pas. De toute façon, il y a même des écoles de formation. Hein, mais c'est pas Dorothée Pousseau qui a fait une école de formation? Oui, elle en a lancé une. Il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Mais Olivier, si tu veux savoir, j'ai pris le petit déjeuner avec Brigitte Le Cordier à la Ponto Geek, en face à face avec elle. Oh, vénard. Est-ce que la prochaine Ponto Geek, tu l'invites? Alors, Brigitte Le Cordier ne sera pas là, du coup, à la deuxième édition de la Ponto Geek, mais on aura Patrick Borg, la voix de Goku adulte. La voix de Goku. Est-ce qu'on peut prendre un petit déjeuner avec Goku? Bon, si tu veux. Hein. Tu demanderas s'il est croissant ou pas au chocolat. Voilà, tu nous diras. Non. Donc, hein? Il est sur son match, ok. Voilà. donc là, il y a cette scène-là et puis il y a une deuxième la scène où il y a tout ce qui est justement jeux vidéo, Corée, etc. Il y a cette fameuse scène où là, justement, j'ai pu lire sur votre programme qui avait un peu consacré aux comédiens de doublage, si je ne me trompe pas. Ben, en fait, les comédiens de doublage sont nos invités, on va dire, un peu primordiaux sur nos événements. Après, on a d'autres invités, comme j'ai dit tout à l'heure, les mangakas, les cosplayers, les influenceurs, TikTokers, enfin voilà, pas mal d'autres vidéastes. Mais les comédiens de doublage sont les gens qui sont, entre guillemets, le plus mis en avant. Donc, ils ont leur espace de dédicace où vous allez pouvoir les voir durant toute la journée. Et ensuite, pendant à peu près 45 minutes, un peu une foire à questions entre les visiteurs et les comédiens de doublage sur scène avec un présentateur. Et après, normalement, on a une durée de 15 minutes où les gens vont pouvoir venir doubler avec les comédiens de doublage sur scène. Oh, c'est bien. S'il y a des gens... C'est sympa, ça. Mais ça c'est incroyable, c'est pas... Enfin, honnêtement, est-ce que... Alors, excusez, j'ai l'impression, moi, d'entendre, c'est un cercle fermé, les comédiens de doublage. Parce que tu as ceux qui sont vraiment connus, ceux qui le sont moins, tu vois. Et j'ai l'impression que, par exemple, tu dis, voilà, c'est tel comédien, il a fait la voix 2, ce que tu disais tout à l'heure. On connaît pas forcément le comédien. Je vais peut être intéressant dans ces conventions-là de mettre une tête au comédien qui a joué tel personnage dans un manga ou tel personnage dans un dessin animé de Disney, par exemple. Tu vois. Bah, c'est ça, en fait. Ce que tu viens de dire, c'est la logique de ce qui est en train de se passer. C'est que les comédiens de doublage sont en train de se battre, depuis plusieurs mois, voire années. À cause des intelligences artificielles, et c'est là en fait c'est le plus important, c'est qu'ils doivent montrer qui ils sont pour que tout ce qui est intelligence artificielle pour les remplacer autres ne soit pas le cas en fait. Et c'est pour ça que les comédiens de doublage, on les voit se battre et de plus en plus se montrer pour que les gens aient un côté en fait s'attacher à la personne. Et c'est un débat que je pense vous allez pouvoir traiter avec eux et qui serait très intéressant en tout cas sur votre podcast. De pouvoir échanger avec Bruno Meyer, qui est directeur artistique, ou même Hervé Grull, qui est quand même la voix de Apple sur une des publicités. Ah oui, il sera là ? Ouais, Hervé Grull, il sera là. Est-ce qu'il pourra dédicacer notre iPhone ? Non, que l'Apple Watch. Je crois que c'est la plus... Du coup, Olivier en a une, donc du coup, c'est bon. Tu feras dédicacer. Mais c'est vrai que quand tu dis l'ère de l'intelligence artificielle, fait un peu peur quand même. Voilà, c'est vrai qu'une intelligence artificielle pourrait très bien doubler une série ou un film. Alors, si tu veux prendre l'exemple tout bête, c'est qu'en gros, les comédiens de doublage, ils ne travailleront plus, ils prêteront juste leur voix. Et en fait, chaque mois, on leur versera un chèque de 600 euros en mode de, bon, on a utilisé ta voix, c'est bisous, c'est chat. Alors, il y a ça aussi, il y a eu cette proposition-là aux États-Unis, c'est de prendre, pour certains acteurs, c'est de prendre leur visage. Et l'utiliser dans le film, sans qu'ils viennent du tout tourner. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu la grève des scénaristes. Hein. Et de certains acteurs qui ont rejoint les scénaristes, parce que certaines sociétés de production avaient émis l'idée, c'est de faire une capture d'image du visage, je veux dire une bêtise, de Bruce Willis, et après de le faire tourner dans les films. Alors qu'il n'a jamais été là, tu vois. Donc ils prennent la voix et en plus le visage. Mais pour le doublage, il y a si pire. Si on remplace un tournage de Rocco Siffredi, moi, ça ne me dérange pas, après. Et moi, je veux bien. Je me sacrifie, les gars. Mais tu sais, pour le doublage, il y a pire, parce que tu as des logiciels, soit où tu t'enregistres à ton podcast, par exemple, tu te filmes en train de parler en français, tu peux dire au logiciel, tu me fais parler en japonais, ça va traduire ce que tu dis, ça te met ta voix en japonais, et ça te change le mouvement des lèvres. Ah ouais? Je t'enverrai, j'ai des exemples. Ça fait méga peur. Ça existe déjà, ça fait méga peur, parce qu'à la limite, t'as même plus besoin d'utiliser la voix de quelqu'un d'autre, puisque tu prends la voix de l'acteur, le logiciel calcule, transforme la voix et change la langue native du film. Et en plus, t'as plus problème de la synchronisation linguale. Je t'enverrai des exemples, c'est hyper Je veux bien que tu puisses m'envoyer ça. En tout cas, c'est vrai que du coup, ça fait bizarre. Parce que t'imagines, toi, une grève des comédiens de doublage. Est-ce que ça aura le même impact qu'une grève, tu vois, des scénaristes comme. Je sais pas. Parce que si il y en a déjà eu de gros impacts, je m'en rappelle. Il y en a eu et ont perdu, parce qu'il y a beaucoup de séries qu'ils ont refusé de continuer à doubler, si ça continuait comme ça, et ils ont juste changé de comédien de doublage, et d'ailleurs c'est des horreurs après. C'est comme dans Friends, je crois, les dernières saisons, il y a des personnages. Et c'est pas dans l'Attaque des Titans où il y avait un comédien qui jouait tel personnage, et je sais plus, un comédien de doublage, et puis d'un coup Clément, il a un peu râlé pour une augmentation, et boum, il n'était plus. J'avais entendu parler d'une histoire comme ça. Alors, j'avais vu l'histoire passer. Je suis pas sûr que ça soit l'Attaque des Titans. Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est lequel. Mais je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas manga, Friends. Tu te souviens de la série Friends? C'est ce que j'ai dit là, juste avant. Ah oui, d'accord. Après la grève, ils ont remplacé certains acteurs. Oui, c'est ça. Bah, Friends, c'était le cas. Non, Friends. Ça m'a troublé. Monica et puis Rachel, je crois. Rachel, je suis sûr. Et moi, ça m'a troublé. Je sais pas vous, mais moi, ça m'avait troublé à l'époque. Je suis c'est pas du tout. Je l'ai regardé qu'en VO, mais non, mais. Je regarde en VF. C'est sur Futurama que je suivais et la voix du personnage principal, Fry, qui a changé dans une des saisons. Ah, ça peut être cassé une saison. Ça peut être cassé une série. Hein. Ah, c'est à partir de cette saison-là, je suis passé sur de la VO. Alors, j'aimais beaucoup la VF de ces séries-là, justement. Et je me suis dit, c'est pas possible, je suis passé en VO parce que j'arrivais pas avec les voix françaises. C'était plus pareil, quoi. Alors, Alexis Thomasien. Justement, il y a de plus en plus de personnes qui. Vas-y. Et la voix de Fry, c'est Alexis Thomasien, c'est quelqu'un que je connais bien, même j'ai la jambe dédicacée, lui il m'a dédicacé la jambe. Je suis pas sûr qu'il ait pas fait toutes les saisons, il les a toutes faites, il a juste un moment été remplacé, si je me trompe pas, à la naissance de l'un de ses enfants, mais je dirais peut-être une connerie, je sais plus qui c'est qui avait dû faire une pause pendant la naissance de l'un de ses enfants et qui a repris ensuite derrière le doublage de ses séries. C'est peut-être Alexis, mais j'ai un doute. Attends. T'as peut-être les coulisses, là, mon petit. Je sais que ça m'a coupé net. Hein, Mais justement, est-ce que les gens. Clément, c'est une question. Les gens, j'ai remarqué, avant, ils écoutaient tout le temps la VF. Et maintenant, de plus en plus, les gens se tournent vers la VO. Ah non, c'est l'inverse, moi, je trouve. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais, hein. Pour moi, c'est l'inverse. Hein. Pour moi, les gens écoutaient beaucoup plus en VO. Et vu que maintenant, on a quand même les VF qui sont un peu démocratisées avec des vrais, vrais, vrais comédiens de doublage qui mettent des émotions et du travail dessus, je trouve que les gens, maintenant, regardent quand même beaucoup plus en VF qu'avant. Hein. Moi, avant, je regardais beaucoup mes mangas en VO, et, enfin en VOST. Et depuis que bah, y a des comédiens de doublage qui sont quand même assez forts, je pense à Bastien Bourlet dans son rôle de Deku dans My Hero Academia, ou même de Eren Yeager, que je trouve qui est très fort. Ah, Eren Yeager, ah, c'est l'attaque des titans, ça, du coup. Ouais. Je trouve que maintenant, c'est plus agréable d'écouter des VF que des VOST, et c'est beaucoup plus en train de développer. Mais là, tu centralises sur les mangas, tu vois. On n'est pas tous les mangas, on ne les garde pas tous non plus, mais... Enfin, après, j'ai l'impression qu'on regarde tous plus les VO. Enfin, je sais pas vous, les Nadège, par fait, exemple. En fait, ça a commencé surtout avec Game of Thrones, qui passait pratiquement en simultané aux États-Unis. Ah, en H24, je ne sais plus quoi, là. C'est pas H24, et effectivement, il y avait un délai de 24 heures pour le doublage, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc, c'était comme période... The Walking Dead. Voilà, donc il y a une période où ceux qui voulaient voir la série à tout prix, ils n'avaient pas le choix, ils regardaient en VO. Et donc, du coup, après, perso, ça a été bien. Pardon ? Moi, perso, ça a été bien avant ça, hein, que j'avais lâché les VF. Oui, non, mais, je crois que Benji a raison sur les séries classiques, hein, pas manga. Je crois que la VO est très, très populaire. Ouais. Enfin... Ouais, moi, c'est vrai que je suis plus Team VF, mais j'ai beaucoup d'amis qui, eux, c'est que la VO, VO, VO. Oui, oui. Ouais, ah bon, en VO. Hein. Mais pour un truc très con, hein, c'est qu'on perd en VO, tu as beaucoup de persos qui ont des accents et trucs comme ça qu'on n'a pas en France. Et je trouve que ça change tout sur certains personnages de pas avoir s'ils n'ont pas leur accent et je trouve ça tellement dommage même pour des films comme les films Marvel, hein, tu regardes comment il s'appelle le Black Panther en VO, c'est pas du tout la même chose qu'en VF, hein, ils ont tous un accent et compagnie tout le long du film que tu n'as pas du tout en français. Ouais, mais tu vois par exemple la voix française de Tony Stark ou de Thor ou de je peux plus en regarder en VO, je suis trop habitué aux voix françaises. C'est clair que la voix de Robert Downey Jr. dans Iron Man, c'est difficile d'entendre en VO, en VF après. Parce que t'as quand même des comédiens de doublage où leur voix est marque. Je pense à Richard Darbois, enfin la voix du génie quoi. Pour moi c'est Buzz Éclair, donc Toy Story je peux même pas le regarder en VO. Donald Regnou c'est Spider-Man. Ouais. C'est Lex Luthor. Voilà, c'est. Et t'as certains acteurs vraiment, enfin, de comédiens de doublage, qui franchement, je trouve qu'ils ont un charisme qui équivaut à celui d'un acteur, quand même. Pas un acteur physique. Ce sont des acteurs, des comédiens. Oui, c'est ça, oui, ce sont des comédiens. D'ailleurs, c'est pas des comédiens de doublage. Bah, de toute façon, c'est ce que devrait être conseillé pour faire du doublage, faut faire du théâtre avant, quoi. Ouais. Justement, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Oui, et puis si t'as une école, de toute façon, t'as des écoles de doublage, c'est fait parce que c'est un métier. Oui. Donc c'est pas quelque chose que tu dis, tiens, te lever un matin, tiens, je vais postuler pour faire la voix de je sais pas quoi, et puis voilà. Mais bon, après, je suis pas forcément ok avec Clément, mais Clément, c'est peut-être mieux. Pour les mangas, c'est vrai que les gens sont plutôt peut-être un retour vers la VF, peut-être, mais on n'est pas tous spectateurs de mangas. Non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, je prenais vraiment le cas, du coup, pour les mangas, par rapport au thème du sujet, c'est-à-dire la Japan NorthCon, des deux comédiens de doublage qui sont présents, qui sont beaucoup plus sur le manga, en tout cas. Mais après, vous avez entièrement raison sur les séries américaines, comme il y avait eu pour Game of Thrones ou même The Walking Dead, les gens, des fois, ils ne veulent même pas attendre que ça soit doublé. Donc, c'est un mélange de choses. Mais la VF se démocratise énormément, en tout cas. Et toi qui côtoies des comédiens de doublage, compare. Je suis désolé, parce que moi, je suis très intéressé par l'IA. Est-ce que ça les inquiète, l'IA? Je suis persuadé. J'ai regardé là, vite fait, il n'y a pas de législation du tout là-dessus. C'est-à-dire que demain, une société pourrait dire, tiens, on pourrait créer un dessin animé ou un manga et pourrait demander à une IA de... Ça coûterait moins cher, tu veux dire. Voilà, à une IA de faire le doublage. Est-ce que justement, ils commencent pas... Alors, ils ont peut-être un syndicat ou autre. Est-ce qu'ils commenceraient pas justement à commencer à poser les problèmes sur la table ou pas? Les problèmes sont déjà sur la table. Hein. Mais il y a plusieurs déjà d'autres points à comprendre, c'est que le doublage est impacté aussi puisque beaucoup de séries et de mangas sont doublés aussi en Belgique. Il y a de moins en moins de studios en France. Alors, je ne sais pas si c'est des problèmes de tarification parce que de base, tout était centralisé sur Paris. Donc maintenant, tout est transféré un peu en Belgique. Et puis, comme tu disais, par rapport aux IA, ce qui se passe, c'est que c'est en train d'être vu apparemment. Il y a un des ministères qui aurait pris ce dossier-là entre ses mains sur tout ce qui était IA. Donc je pense que tu pourras peut-être plus m'en dire, toi, Benjamin, mais c'est. J'ai regardé vite fait là, mais je vais essayer de plus me renseigner. Mais je pense qu'il y a moyen de vraiment s'intéresser à ça sur l'intégration de l'IA dans la comédie de doublage, en tout cas. En tout cas, c'est vachement bien, je trouve, parce qu'on n'en parle pas trop, jamais assez des comédiens de doublage. Et pourtant, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour nos séries. On a besoin d'eux pour nos films. Et je trouve ça vraiment bien, ce que vous faites à la Japan NorthCon, comme à la Ponto Geek, puisque pour avoir été à ta convention, j'y suis allé. Vous mettez en avant les comédiens de doublage. Et bravo à vous, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez... vu et observé, parce que quand on regarde à la Comic-Con, on va prendre des stars américaines qu'on va faire venir parce qu'ils ont joué dans telle série, etc. Alors certes, vous n'êtes peut-être pas des stars américaines, mais vous avez quand même des stars qu'on ne voit pas physiquement, mais qu'on reconnaît à la voix. Et ça, c'est bravo à vous, en tout cas. Je pense qu'il faut vous continuer dans cette lancée. Donc à la Japan NorthCon, on verra qui en comédien de doublage. Alors on va avoir Hervé Grulle. Alors Hervé Grulle, c'est la voix, je ne sais pas si vous avez connu Foot de rue. Si. Ah oui, le dessin animé, ouais. C'est la voix de Tag, le personnage principal. Ah bah oui. D'accord. Et après, il fait des personnages dans des animés, il fait la voix dans Jujutsu Kaisen de... Comment il s'appelle? J'ai oublié. On va l'appeler, vu que c'est en plus c'est un pote à toi, on va l'appeler. Donne-nous le numéro. Non, c'est Bruno qui en a mis à moi. Bruno. Bruno. Alors, te vois pas sur Bruno quand tu vas le présenter. Hein. Mais je regarde pour Hervé parce que en fait c'est des mangas. On ne parle pas de Bruno ici. Référence. Non, pas de Bruno. Non. Pendant que je vais chercher. Attends. Il sait même plus. C'est pas lui qui fait la voix de Michelangelo dans les Tortues Ninja? Non, ça c'est. Non, c'est Bruno ça. Par contre, on verra le comédien de doublage qui fait la voix de Quicksilver. Dans les X-Men. Ah ouais? T'as le mec, il invite des gens, il sait même pas quel jeu. Bravo! Bah non, oui! Mais... Attends, tu sais qu'il connaît le comédien de doublage qui fait la voix de Thor quand même. Hein. Et quand tu lui dis. Dans Rick Cavill aussi. Je crois qu'il fait la voix d'un personnage Marvel, c'est Thor. Comment il s'appelle? Et du coup, on lui dit: attends, mais il est vachement connu, le mec qui fait la voix de Thor. Non, je sais plus. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'à la fin, moi, de rencontrer un peu tout le monde, je suis un peu perdu dans tout ça. Adrien Antoine, celui qui fait tort, je crois. Et il s'appelle aussi Henri Cavill. Oui, Fabricaville aussi, oui. Fabricaville aussi. Superman. Superman. C'est Adrien Antoine, du coup, que tu connais. Attends. Montrez-moi sa tête. Attends, c'est lequel qui fait la voix de, on disait, de Quicksilver. Mais en plus, vous avez fait la promo sur lui, sur votre site. Donc ouais. Ah, mais c'est celui qui fait Damer. Oui, c'est lui qui fait Damer. C'est la voix de Evan Peters. Ouais, c'est ça, c'est la voix officielle de Evan Peters. Ouais. J'adore. Donc, on le verra. Il y est du coup à la Ponto Geek. Il y a qui d'autre du coup? Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est David qui a pris Hervé Grull parce qu'il le connaît bien. Et du coup, c'est moi qui ai pris Bruno Meyer. Puisque bah, du coup, Bruno, je l'ai rencontré en convention. C'est devenu un ami à moi. Et c'est comédien de doublage et directeur artistique. Donc, il a double facette. Mais. Par exemple, Bruno Meyer, c'est la voix de Levi dans L'Attaque des Titans. C'est la voix de Shoto dans My Hero Academia. C'est la voix de, bah, comme tu as dit, dans Les Tortues Ninja. Et ce qui est intéressant avec Bruno, et c'est surtout le point le plus intéressant, c'est que c'est un DA. Et vu qu'il est directeur artistique... Ah, d'accord, un DA. Peut... Oui, est-ce que tu as dit bien ce que c'est un DA ? C'est un directeur artistique, c'est celui qui encadre le doublage, qui choisit les voix, qui accompagne, enfin c'est lui qui prend toutes les décisions. Et Bruno Meyer du coup est DA et il a tellement un savoir et même une culture que c'est hyper intéressant de l'écouter parler. Je viens de voir qu'il a fait la voix de Niati dans Pousselina. Putain, c'est vieux comme ça, Pousselina. Il fait la voix de Beast Boy dans Akira aussi. Il aurait doublé dans Akira aussi. Peut-être. Si, il a fait un doublage dans Akira, ouais. Teen Titan aussi. Ouais, Teen Titan, le dessin. Mon fils est fan de Teen Titan. De Beast Boy, il fait le Beast Boy. Ouais. Donc, Change-le en français. Change-le. C'est vrai que c'est Change-le en français. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'il joue dans quasi tous les Teen Titans, je crois. C'est lui qui fait. Et il fait Leak dans Dragon Ball Super. Ouais. Ah oui, il a fait Wish. Teen Titan en ce moment. Ouais. En tout cas, c'est un comédien de doublage, donc il sera présent. Donc, hâte de les voir, de les rencontrer, de les questionner. Voilà, voir à peu près ce qu'ils vont nous préparer. En tout cas, combien de jours pour préparer une convention comme ça? Combien de jours pour préparer une convention? Ouais. C'est plutôt combien de mois. Ah oui, justement. Justement, tu réponds à la question là. Combien alors, de mois concrètement, la NorthCon, ça doit faire 5 mois qu'on travaille dessus. C'est-à-dire que, en fait, si on prend le concret, en fait, quand on organise une convention, c'est que les gens, ils voient que en mode, on prépare, on met les stands et puis basta. Mais il faut qu'on cherche la ville. Il faut qu'on trouve le parc expo. Donc déjà, il faut qu'on trouve où on l'a fait. Donc quand sauf pour la Ponto Geek, il faut trouver le gymnase. Ouais, c'est ça, il faut trouver le gymnase. Mais en fait, quand on trouve l'endroit, et ben ensuite, c'est là que le travail commence. C'est-à-dire préparer les plans, la sécurité, les postes de secourisme, contacter tout le monde qui prend des semaines, c'est-à-dire entre les exposants, les influenceurs, entre tout ça, ça prend des heures et des heures. Ensuite, envoyer les déclarations à la préfecture, c'est énormément de tâches, pareil, d'administratif, enfin, c'est plein de points. Ah bah ça, oui. Et après, c'est la communication, donc gérer les postes tous les jours, c'est relancer les exposants puisqu'ils ne t'ont pas envoyé les photos pour les annoncer sur les réseaux, c'est relancer les invités. Oui, il faut la communication derrière, une fois que tu as trouvé la salle, etc. C'est ça, en fait, c'est beaucoup de points que les gens ils pensent pas forcément, mais il y a énormément d'aspects, et du coup, ouais, ça prend des mois, et là, à l'heure actuelle... Quand les gens viennent, est-ce qu'ils viennent principalement pour les entre guillemets les stars que vous invitez? Oui, ou parce que moi je trouve que c'est assez populaire comme événement. J'adore y aller parce que j'adore, c'est vrai. Moi personnellement, avec les filles, on adore c'est voir les cosplays. Il y a des gens qui ont des cosplays de fou, voilà. Et ça c'est incroyable. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent aussi juste pour se balader, faire des achats, voilà, ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour les stars, ou est-ce que Ça dépend des points. Il y a des gens qui vont venir pour les invités, il y a des gens qui vont venir pour les concours cosplay, il y a des gens qui vont venir pour les tournois jeux vidéo, il y a des gens qui vont venir pour les animations. En fait, ça dépend. Si on demande là à Nadège, à Olivier, et c'est Christophe ? Non, c'est quoi ? Mika. C'est Mika. Tu veux l'appeler Christophe? Oui, Mika, tu t'appelles Christophe. Mais en fait, si j'en suis sûr, on leur pose chacun la question, pourquoi vous allez venir? Ils vont tous donner une réponse différente. Et est-ce que dans ce... dans les conventions, est-ce que tu as vu que ça a évolué vers le positif en matière d'entrée? Parce que à l'époque, moi je me souviens quand je les ai commencé, quand tu parlais, ouais, je vais à telle convention, les trucs, ouais, ce truc de geek, voilà, où c'est, t'avais l'impression que c'était sur un cercle plutôt fermé, en fait, de personnes, de fans, de mangas, etc. Est-ce que t'as pas cette impression qu'avec, au fur et à mesure du temps, notamment après le Covid, c'est devenu de plus en plus populaire? Ah si, ça s'est démocratisé totalement. Maintenant, les gens, ils assument de regarder des mangas, ils assument leur passion. Ça, c'est sûr à 100%, mais je pense que c'est pareil pour vous. C'est comme un peu Disney, un peu Marvel, par rapport à avant où on était considéré, parce que voilà, on était considéré un peu comme, comme des gens un peu bizarres, un peu dans leur bulle et tout ça. Mmh. Le fait que ça soit un peu démocratisé... Un ça peu est toujours le cas. Maintenant, on peut en vivre. Enfin, voilà, ouais. on peut en parler, en discuter. Ouais. Merci. Mon petit Clément. Donc la Japan NorthCon, c'est du 4 au 5 mai. Voilà. Alors les VIP, c'est 9h30, si je me trompe pas. Et les non VIP, c'est pas, ça dépend du pass que tu prends. Hein. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est à 10h. Voilà. Et puis je crois qu'il y a un super pass que je vous invite à prendre, surtout si vous êtes fan de TCG. Alors ça fait l'intro parfaite. Pourquoi? L'Arcanade. Non, pas du tout. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il y a un pass spécial où tu as des cartes Pokémon, si je ne me trompe pas, Clément. C'est ça. En fait, il y a des cartes de collection qui seront mises dans certains packs VIP sur la NorthCon. Puisque David est un gros collectionneur de cartes Pokémon. Donc, on David a mis en place. Qui est le co-organisateur, je suppose. C'est ça, co-organisateur avec Olivier et Sarah. Voilà. Donc, vous êtes quatre. On est quatre. Voilà, donc c'est au Havre, au Doc, si je ne me trompe pas. Allez-y, allez voir les comédiens de doublage, allez voir les cosplays, allez voir les vendeurs aussi, parce que toi, tu seras avec ta boutique, je suppose, Clément aussi. Il y aura ma boutique, mais ça ne sera pas moi sur le stand. Et en plus, il y a des zones où nos enfants pourront jouer à la console. Est-ce qu'ils pourront jouer aux jeux de société aussi? Il y aura, il y a une petite partie un peu jeux de société. Jeux de société avec plein de trucs un peu ludiques pour les enfants, avec des tablettes pour apprendre à dessiner. Il y a un espace de dessin sur tablette. Il y a plein d'activités pour les petits, mais aussi pour les grands, avec 400 mètres carrés de bornes arcade et de jeux vidéo. Ah oui, 400 mètres carrés quand même de bornes arcade. On va rester là avec Olivier et Mikan. Voilà. Du coup, allez-y. N'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dans la description pour commander vos billets. Alors, est-ce que c'est limité les billets VIP? Non, c'est pas limité. Je crois que ça va être que les packs. Les gens qui vont me prendre les VIP pour pouvoir rentrer avant et avoir certains points, ça va être fait parce que des t-shirts, des tote bags, on en a plein. Par contre, ça va être plus sur l'aspect Pokémon. Là, par contre, c'est très, très limité. Ouais. Bon, du coup. Je crois même qu'on en a plus là. D'accord. Bon, écoute. En tout cas, oui. Tu as oublié un point important. Tu as dit venez pour si. Mais venez nous voir à nous aussi, on sera là. Oui, nous aussi, c'est vrai. Ah oui, nous verrez. C'est vrai. On y sera, bien sûr. On y sera. D'ailleurs, vous verrez sans doute Olivier d'un côté, Mika de l'autre, moi aussi, ou peut-être tous les trois ensemble. Voilà. On verra Clément aussi. Moi je vais être en panique. Hein. Voilà, moi, il va être en panique. Aller me voir en train de quoi, courir, on va l'embêter. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il y a le feu là-bas. Quoi? Il y a une baston. Attendez, les gens, Benjamin est au courant de cette info-là. Sur un week-end de convention qu'on a organisateur en deux jours, on fait 100 km à pied. Ah bon? Ouais. Mais sur les mains. Mais sur les mains. Et à la fin, tu vas courir partout. C'est pas grave, parce que nous, de ce que m'a dit Alexandra, donc ma sœur qui est avec toi, elle m'a dit que nous, on aura une place là-haut. Enfin, je sais pas si c'est là-haut, mais on va pouvoir se poser si jamais on veut interroger les comédiens. On sera pas obligé de tout le temps marcher, du coup. On pourra se poser. Alors, je sais pas si c'est en haut, pour moi c'est en bas. Pour moi, c'est où en bas, je sais pas si c'est en haut, ça peut être en bas. Hein. En ouais, tout cas, je vais dire une salle en haut, je suis pas sûr, mais oui, mais c'est possible. Mais non, je sais pas, avoir une salle... bas, je sais pas, je dis en vous haut. Vous êtes pas encore placés, les gars. Attendez si, un peu. Si, sur les... Ça permet, vous prenez un espace pour parler aux comédiens de doublage. Voilà. Et on sera en live, on diffusera en live Twitch. Donc voilà, j'ai enfin téléchargé Streamlabs sur mon téléphone et je vais pouvoir liver quasi toute la journée. Yeah. Voilà, ça permettra à toi, Nadège, par exemple, qui ne pourra pas venir, de voir. Regarder. Voilà, et puis on voilà, Olivier aura accès, et puis on interrogera les stands. Je sais qu'il y a beaucoup de cosplayeuses Disney qui sont là, hein, Clément, qui a fait. Ah, génial. Ah oui, il y en a une, j'ai le mémoire de l'avoir vue à la IFTOCOS Game Show. Elle avait fait sa robe elle-même de Blanche-Neige. Oh, magnifique. Magnifique. Voilà. Mais il y a certains qui ont, certaines cosplayeuses qui ont vraiment des talents de couturière qui te font des robes magnifiques. Bah, normalement, si je ne me trompe pas, la personne que tu parles, Benji, elle a travaillé pour Disney un an. Hein. Ah bah, on lui demandera. Mais je vois qui c'est, je lui demanderai. Si je vois si c'est la blonde... Si ouais, c'est la blonde que tu as mis en photo. Sur, ouais, bah, je crois que si elle a travaillé un an à Disney en tant que cosplayeuse. En tout cas, je sais pas comment, si on appelle ça cosplayer, en tout cas dans le monde de Disney, Benji, à toi de me dire, mais elle a travaillé là-bas. Comment on appelle les gens qui se déguisent en princesse? Des cast members déguisés en princesse. Des cast members déguisés en princesse. Les performers, c'est... Ouais, je crois qu'il y a un nom. C'est... Je sais que ceux qui sont à l'entretien, c'est les costudioles, je crois. Alors les princesses, je sais pas. En tout cas. Oui, du coup, elle sera là. Du coup, j'étais content de la voir parce que je l'avais déjà vue et j'avais déjà parlé avec elle un peu. Très agréable. Donc, mais je crois qu'elle a fait je sais pas combien. C'est pas elle qui a plus de 20 costumes à son actif? Alors là... Je sais plus, j'avais vu un truc. On lui demandera, voilà. Donc on prendra notre temps à parler aux cosplayeuses et puis cosplayers et puis on verra... On mettra, je sais pas, tiens, on pourrait les mettre sur ta chaîne YouTube les vidéos, Olivier, si tu veux les mettre. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. On les gardera et puis tu mettras sur ta chaîne. Voilà. Voilà. Et en parlant de coup, il y a des cadeaux Pokémon quand vous achetez. Donc, c'est un TCG. Donc, Clément ne joue pas l'Orcana. Non. Voilà. Il est anti-Lorcanien. Ouais. Voilà. Il est plutôt. Ça commence à titiller Mika. Non, Mika, il est en train de s'essuyer là, c'est pour ça qu'il est penché. Est-ce que vous ne voyez pas? Parce que Mika, il est perché dans les chiottes, on ne le voit plus sur la vidéo. Oh non, il est surtout debout depuis 4h du matin. Et du coup, tu vas t'y mettre à l'Orcana ou pas? Tu sais pas encore. Tu feras une petite partie avec nous. Je jouerai avec vous pour tester le jeu. Après, le truc, c'est que j'ai abandonné tous les jeux de cartes auxquels je jouais parce que ça coûte un bras et que j'avais d'autres trucs à faire. Ton banquier m'a appelé, il n'est pas content. Il veut que tu investisses. Il a dit. Voilà. Je suis débarrassé de toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Oh, sans dire, il paraît que ça a de la valeur, ça, en plus. Et Yu-Gi-Oh! Et Magic, aussi. Oui, je me suis tout débarrassé. Et Clément, toi, t'es plus... Alors, Clément, il est anti-Lorcana, lui. Il est plutôt... Non, arrête. Ah non. Alors là, ça va pas lui faire des ennemis. Non, c'est pour le chambrer. C'est parce que j'ai eu le débat de dire que les cartes Pokémon, je trouve... ça plus beau sur les designs qu'ils peuvent créer que l'Orcana. Voilà, alors vas-y Olivier, vas-y Olivier. Oui. Je suis pas du tout d'accord justement. Mais bon, bah oui, on a eu un débat avec Clément justement. Moi je disais que les cartes de l'Orcana étaient beaucoup plus belles que celles des Pokémon, notamment parce que c'était des artistes derrière qui les dessinaient. Voilà. Donc et donc du coup Clément m'a expliqué que lui, pour lui, les cartes de Pokémon étaient beaucoup plus belles. Voilà. Et pourquoi pour toi elles sont plus belles? Pour moi? Mais parce que j'aime bien le travail un peu des textures, des designs. Enfin, c'est les designs, c'est plein de trucs. C'est juste que j'aime bien, c'est le fait par exemple de prendre trois cartes et les mettre l'une à côté de l'autre et que ça fasse une sorte de décoration. On a ça aussi avec les sept nains. Il y en a des sept nains, ouais. Ouais, les sept nains, quand tu les alignes, ça te fait un. Ouais. Ça te fait quoi? Une personne de taille normale? Mais non, ça te fait les sept nains qui sont dans leur jardin. Ils sont en train de jardiner. Mais oui, après, ça peut être un débat. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Mika? On va se faire attaquer par Peter Dingle pour cette vanne. Mais Olivier, c'est lui qui a foiré. C'est à cause de lui que Blanche-Neige est foirée, hein, le live action. Hein. C'est quoi, c'est pas Blanche-Neige et les sept dragons, non? C'est pas ça? Non, c'est les sept créatures. Ouais, ils ont changé, ils vont remettre des nains, mais en synthèse. Putain, yes! Encore un but. Ah, je pensais. C'est trop tôt, temps pour les nains, tu sais. Bah oui, moi aussi, je pensais. Pareil, ils sont en train de mettre 4-1 à Barça. Bah non, apparemment, ça a changé, ils ont mis des nains au niveau de synthèse. Putain, yes! Oui, à ce moment-là, c'est trop drôle. Ouais. Donc, l'Arcana. Donc, Clément, tu joues au TCG, toi, ou pas? Moi, je joue un peu Pokémon parce que je n'ai pas le choix, on va dire, pour les conventions et les événements qu'on organise. Après, dire que je suis un gros joueur, non, ce serait mentir. Tu collectionnes, en tout cas, ça, je le sais. Ouais, moi, je suis collectionneur. Collectionneur. C'est parti du TCG, tu peux collectionner. Voilà. Et toi, Mika, tu jouais du coup au TCG, si j'ai bien compris. Toi, tu n'étais pas. Moi, je joue à Yu-Gi-Oh! J'ai fait deux fois les championnats de France. Ah oui! Arbitre, donc ouais, j'ai beaucoup joué. Ah oui! Ouais. Ah bah attends. Et Olivier, on découvre des choses là. Ouais, dis donc, c'est que des surprises. C'est clair. Un arbitre de Yu-Gi-Oh! Et alors, ça fait quoi? T'as un maillot, non? T'as un carton rouge? C'est un sifflet? Non, mais un sifflet. Votre sleeve, elle est pliée. Votre sleeve, elle est pliée. Vous me changez toutes vos sleeves. Yu-Gi-Oh, t'as le droit d'avoir combien de cartes dans ton deck? Je crois qu'ils ont changé les règles récemment. Avant, moi, quand j'y jouais il y a longtemps, tu n'avais aucune limite. C'était minimum 40. Après, tu pouvais en avoir autant que tu veux. Et il me semble que maintenant, ils ont quand même limité à 80, quelque chose comme ça. D'accord. Ça, alors, en parlant de règles, Olivier, je me suis repayé les règles hein, parce qu'ils ont modifié les règles, certaines règles. Donc, je me suis repayé les règles là. Et même, ils ont mis. T'es limité en cartes, hein, si tu veux, je crois, en deck. Ouais, c'est minimum 60, je crois. C'est minimum 60, en fait. C'est pas mais 60. Ils ont bien mis un glossaire, maintenant, on peut dire. Donc, on refera un autre podcast avec Tony là-dessus. Et toi, Clément, tu y a droit d'avoir combien de cartes Pokémon dans un deck? 60. D'accord, minimum. Pokémon, normalement, ça dépend, mais normalement, c'est tout le temps 60. D'accord, après, est-ce que tu n'as plus de 4 mêmes cartes, comme Alorcana? Bah non, nous, Pokémon après, c'est 4. Ça, c'est il n'y a pas de canard. Problème en fait. Il faut juste que en fait, le problème qu'il y a sur les Pokémon par rapport au mode tournoi, il y a des cartes que tu ne peux pas utiliser, certains Pokémon que tu ne peux pas utiliser. Oui, tu as des cartes bannies. Ouais, tu as des cartes bannies et il y en a de plus. On va voir ça, l'Orcana aussi. Je pense qu'ils ont pour projet de bannir certaines cartes, si je ne me trompe pas. On en avait déjà parlé. Déjà, au tournoi de Lille, tu ne peux pas jouer avec le 7-4 qui va sortir justement. Oui. Ouais, mais là, c'est vraiment bannir des cartes spéciales. Donc, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore annoncé. Mais... Dès que tu as des decks avec des cartes trop puissantes qui, en fait, en général, ont tendance à tout le monde joue la même chose ou que ça nique trop le jeu, ils bannissent la carte pour forcer les gens à modifier leur deck. En fait, à modifier leur deck. Et souvent, surtout en changeant une seule carte, en enlevant une, tu forces les gens en fait, à passer au set suivant pour pouvoir rééquilibrer. Donc, financièrement parlant, tu les obliges à racheter. Là, on voit l'arbitre qui parle. Ouais, ça, on sent. Ouais. Donc, et du coup, t'es resté combien de temps arbitre chez Yu-Gi-Oh? Moi, je l'ai fait pendant quelques années. Je faisais des tournois où j'arbitrais surtout en local. Mais après, c'est, j'étais surtout joueur plus que ce que j'arbitrais. C'est juste que des fois, t'as pas envie de jouer. C'est un peu long. Il y a trop de monde. Mais non, après, c'était sympa. C'était un jeu qui me plaisait vachement. Le problème, c'est qu'ils ont trop fait évoluer les règles à l'heure actuelle et le jeu ne me plaît plus du tout. Ah ouais? Et... Ah, j'aime pas du tout l'évolution du jeu. Moi, je joue depuis que le jeu a commencé en France. Donc, il y a eu beaucoup trop d'évolutions. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'une partie du Yu-Gi-Oh! Peut se terminer sur le premier tour. C'est en BO3 ou en BO2, les parties Yu-Gi-Oh? C'est-à-dire Les rondes, c'est en combien de manches? Une manche, deux manches, trois manches? Alors, je vois pas ce que tu appelles les manches, mais en fait, tu... Les rondes, en fait, t'as plusieurs fois. Le même adversaire, tu fais combien de parties avec le même adversaire? Ah, tant qu'il n'y en a pas un qui a perdu. D'accord, donc c'est pas du tout la même façon de faire que... Ah, c'est one shot? Il n'y a pas plusieurs manches quand tu fais un duel? Parce que dans Pokémon, je crois que c'est un peu comme l'Orcana, tu as plusieurs manches dans ta ronde. Souvent, c'est deux victoires, hein. C'est deux victoires sur trois. Tu peux faire que trois matchs, mais c'est deux victoires sur trois. J'avais pas compris que tu parlais de Alors ça. Sur l'Arcana, ce qu'ils ont annoncé, c'est le BO2, Tu gagnes le premier match, t'as un point. Tu gagnes le deuxième match, t'as trois points. Par contre, si tu perds, donc le gagne, ça fait chacun un 1-1. C'est par point. C'est pas comme. Ouais. C'est comme ça qu'ils veulent faire. C'est bizarre. Et t'as pas un troisième match pour Deeper? Non, non le, ils ont annoncé que en BO2, pas en BO3. Pas le. Ben, je crois qu'à l'heure canadienne, c'était 3, c'était un BO3, non sur 3 manches ou pas, Nadel? C'était 3 manches, mais 2 matchs, 2 parties gagnantes. 2 parties gagnantes, ok. Donc si tu, si tu gagnais 2 fois de suite, bah, tu faisais pas le 3ème. Tu faisais pas la phase 3, ok. Mmh. Ouais, du coup, ouais, c'est pareil pour Pokémon, en fait. C'est ouais. Mais l'heure canadienne, maintenant, ils font 2 manches. Voilà. Et t'as, en fait, une manche gagnée, c'est 1 point. Et si tu gagnes les 2 manches, t'as un point bonus qui, est de, qui fait 3 points. Voilà. Mmh. C'est notre manière. Voilà. Et Clément, t'as déjà fait toi des tournois Pokémon ou d'une autre, alors, d'un autre TCG? Pokémon ou alors des gros tournois nationaux ou autres, non. Organisé comme je te dis sur les conventions, ça on le fait. Alors moi je suis pas du tout, on va dire arbitre officiel. Hein. Nous c'est vraiment des petits tournois, des petits plaisir quoi, plaisir de partager, voilà, plaisir ludique. Pas des compétitions renommées. Donc oui et non. Est-ce que dans le cadre de la, par exemple, la Ponto Geek, tu peux dire, bah tiens, j'organise un micro-événement Pokémon TCG ou... Bah, c'est ce qui va être mis en place, hein, de toute façon, cette année on va essayer... Arcana ou Magic. Bah, cette année, on va pousser un peu le TCG, parce que j'aimerais bien avoir une petite société de gradage qui vienne sur place nous ramener des belles cartes de tout, un peu divers et variés, sur le Yu-Gi-Oh, le Magic aussi, très, très sous-côté aussi, le Magic. Oh non, ça... Magic, c'est populaire, ça. Ah non, c'est sous-côté, en ce moment, c'est un... Je trouve ça sous-côté, moi. Ah bon, bon, ça n'allait pas. Après, là, j'ai hâte de voir ce que ça donne les TCG de One Piece et de Dragon Ball, mais... Moi, je suis mitigé. C'est pas des cartes françaises, c'est des trucs full jap. Pour l'instant, j'y porte aucun intérêt. D'accord. Je sais pas si... Mais... T'en vends, toi, et ça marche quand t'en vends, là? Bah, c'est le même topo. Les gens aiment bien voir leurs cartes en français. Donc là, t'as des cartes en japonais ou en anglais et pas en français, donc... Ouais, du coup, ils attendent. Côté le stock français, quoi. Je sais pas après si vous, si. Chris. Non, pas Chris, n'importe quoi. C'est Olivier qui collectionne ou c'est Nadège? On collectionne tous et on joue. Ouais, on collectionne et joue. Moi, je joue pratiquement pas. Ok. Même pas sur Pixelborn? Non, parce que pour moi, un jeu de cartes, tu joues avec les cartes, quoi. J'ai pas envie de jouer en virtuel. Ouais. Parce que tu vois, ça. Ah, c'est pas pareil. Ça a une saveur de jouer avec les cartes. Enfin, vois, sur ordi, j'ai pas trop envie, en fait. Mais il faudrait que j'essaye. Ça permet de jouer avec les cartes. C'est pas du vrai. Ouais. C'est vrai qu'il paraît que quand tu joues sur logiciel et quand tu joues en vrai, c'est pas du tout la même donne. C'est ce qu'on m'a dit. Il paraît que c'est vraiment... T'as un aléatoire en vrai qui existe, mais que tu es sur l'ordinateur, tu ne l'as pas. L'algorithme, il modifie des trucs au fur et à mesure. Puis t'as des gens, en fait, qui ont déjà les... Sur le Pixelborn, par exemple, t'as toutes les cartes possibles, alors qu'en vrai, les gens, ils ont pas forcément les cartes... C'est ça. Voilà. Sur le tournoi. Ça te permet de tester tes decks d'abord pour voir si ça fonctionne ou pas. Ouais. Sauf que tu tournes toujours sur des gens qui ont le même deck que toi. Voilà. Parce que tout le monde prend les mêmes. Donc, Dans un jeu qui est tout nouveau aussi, hein, tu vas souvent avoir ça dans les départs. Ouais. C'est pour ça qu'après, ils bannissent en général une ou deux cartes pour forcer les gens à. Un peu modifier. À être plus de divergence. Quoi. Ok. En tout cas, en parlant de TCG, on va parler du sujet. Donc, c'est le Lore Canadé. Lore Canadé où Nadège a pu y aller. Voilà. Je souhaitais personnellement y aller avec Julie et les filles, mais on n'a pas pu parce que je travaillais samedi matin. Donc, je n'ai pas pu y aller. Voilà. Je me tape pour le Lore Canadé 4. Je vais voir. En tout cas, peux-tu nous dire ce qu'est le Lore Canadé, ma petite Nadège? Alors, le Lore Canadé est c'est une journée organisée par Jérôme en live et sa compagne. Et ils organisaient justement ça à la base pour faire une initiation à l'Orcana. Et depuis, c'est organisation d'un tournoi qui dure toute la journée. Mais aussi, à côté, on peut prendre un billet journée où justement... On a juste accès à l'espace où on peut faire des bourses d'échange, assister aux commentateurs du live qui est fait parce qu'il y a une des tables qui est retransmise en live. Du coup, là, c'était sur le live Twitch de Jiraya. Donc on peut dans une salle à côté, on peut assister aux commentaires. Voilà, et il y a aussi un autre espace où tu peux juste jouer comme ça pour le plaisir. Voilà. Pour le plaisir. Donc voilà. Donc toi, tu as été dans le tournoi. Oui, où je me suis fait laminer. Enfin, voilà. Ah non, parce que j'ai vu que tu étais avant même certains youtubeurs. Oui, mais c'est parce que j'ai. Parce qu'en fait, on était déjà en nombre impair. Je crois que t'es avant Jiraya, d'ailleurs, je crois. Oui, on était déjà en nombre impair au final, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Et après, il y a des fois des gens dans la journée, ils abandonnent parce qu'ils doivent partir et tout, etc. Et du coup, il y a un moment, je me suis retrouvée à l'ordinateur, m'a mis contre personne. Et du coup, bah, ça m'a fait une victoire. Eh ben, parfois, bah alors, attends, voilà. Victoire, bah, c'est une victoire. J'ai une victoire sans jouer. C'est une victoire, voilà. Bah voilà. C'est comme ça, voilà. C'est une victoire quand même. Ah, donc, est-ce que tu peux être dans le top 1 quand tout le monde abandonne? Tu sais, tout le monde abandonne. Oh putain, je suis dans le top 2. Parfait. Voilà. Bon. Donc, as-tu passé un bon moment? Oui, quand même. Bon, ouais, ça a été. C'était une très bonne journée, c'était sympa de jouer. Il y avait même des équipes de l'Orcana. Oui, bah des gens qui se connaissaient et tout, et du coup, ils avaient tous des t-shirts un peu genre maillot de foot et tout. Ouais, maillot de e-sport. Ouais. C'est ça. Ouais. Hein, voilà. Clément, les maillots de e-sport, n'oublie pas. Il n'entend pas. Il est en train de. Il est devant le PSG, je pense. C'est... Avec une bière. Avec une bière. Mais ouais, voilà. Tu voyais que les gens ils se connaissaient un peu entre eux parce qu'à force de faire. Moi, c'est vrai que moi pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de tournois, j'ai que fait l'or canadais. Est-ce que c'est une bonne expérience l'or canadais pour quelqu'un par exemple qui n'a jamais fait de tournoi? Est-ce que l'or canadais c'est un bon premier tournoi histoire de. Ouais, est-ce que le niveau est méga élevé? Il y a un peu de tout. Franchement, pour te dire, bah, y avait certains invités, ils étaient dans le bas de classement avec moi. Hein, donc. Il y a un peu de tout et de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vu qu'ils utilisent le site Mili, là, ouais. Du coup, en fait, au début, tu joues un peu contre n'importe qui. Et en fait, à force de jouer, ils te mettent contre des gens qui sont à peu près à ton niveau. Oui. Donc, tu te retrouves plutôt à jouer avec les perdants et les gagnants, jouer avec les gagnants, tu vois. Donc, après, ça te permet d'avoir des matchs un peu plus équilibrés. Oui. Oui, c'est bien, voilà. C'est Mili.gg, je crois, sur... C'est ça. Mais je crois que les Pokémon, c'est pareil, non ils vont là, enfin, c'est tous les jeux de cartes, de toute façon, tous les TCG sont dessus. Oui, il y a plein de TCG. T'étais arbitre, toi, Mika, c'était Mili.gg, non ou pas? Je sais plus ce qui était utilisé, mais ouais, ça donnait ça. De toute façon, on faisait jouer les perdants entre eux, les gagnants entre eux, pour équilibrer les matchs, parce que sinon, c'était pas... Ouais. Même, c'est bien, ça pousse les gens à jouer jusqu'au bout, quoi. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est ça. Ah, si tu te fais rouler dessus deux, trois fois d'affilée violemment, t'as pas trop envie de continuer le jeu, quoi. Ouais, moi c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, ouais. on est sur un bel événement. Alors, moi je vous souhaitais y aller, mais je travaille le samedi matin, donc c'était pas possible. Du coup, je l'ai regardé en live. Ils avaient eu des bugs. J'attendais avec impatience, là, 10h, 11h. Oui, c'est pas... ouais, ils avaient eu des soucis de connexion. J'avais vu qu'il y avait des soucis parce que j'avais dit, ouais, on a des soucis d'internet, etc. C'est apparu en début d'après-midi, je crois. Ouais, ça devait être ça, 13h ou 14h. Et là, j'ai pu m'immerger. Donc, j'ai laissé sur Twitch la chaîne et j'ai dégusté religieusement les commentaires, etc. Et j'ai beaucoup apprécié. Du coup, ça donnait envie d'y être déjà. Et ça avait l'air d'être un bel événement, bien organisé. La salle avait l'air très belle aussi. Ouais, franchement, génial. Là, ils vont pas... Là, ça faisait trois fois qu'ils le faisaient au Grand Magic Hotel. Là, ils vont passer à l'autre hôtel où justement la salle est un peu plus grande, ils disaient. Parce que c'est que, en plus, j'ai du mal à réaliser où il faisait organiser le tournoi, mettre des artistes, parce qu'il y avait des artistes qui venaient, qui pouvaient dédicacer. C'est vrai. Et il y avait aussi des activités, ce que j'avais compris. Alors, ils faisaient des activités avec leur live Twitch de Jérôme en live. Du coup, il y avait des histoires, il y avait un concours de cosplay. Ils avaient fait grader des cartes aussi. Il y avait quelques petites choses comme ça. Oui, il y avait deux illustratrices qui étaient présentes pour faire des dédicaces. Ah, c'est bien. Ils avaient un partenaire aussi avec Collectora. Collectora, et il y avait Oli, crois, si je ne me trompe pas. Oui, Oli. Mais Collectora, ça permettait justement que si des gens avaient des enchantés ou des cartes qu'ils voulaient faire. Les protéger. Les protéger, tu pouvais les donner, tu les récupères au prochain Lore Canadais. Donc il y avait ce système-là. Et il y avait aussi, vu que Jérôme en live et Sandy ont leur boutique, la petite chèvre shop. Du coup, ils avaient un stand et ils avaient aussi invité la librairie lunaire qui avait aussi un stand justement pour vendre des livres, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait moyen de se promener la journée, d'aller voir un petit peu. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des billets journée, etc. Pour justement que si tu veux pas participer au tournoi, tu as la possibilité de venir juste pour profiter, rencontrer des gens qui sont fans aussi de l'Orcana, échanger tes cartes. Voilà. En tout cas, l'événement à regarder était très agréable. Alors, j'imagine bien qu'être sur place et le vivre, c'était aussi agréable. Voire même. Ouais, non, c'était très chouette. Tira au l'Orcana des 4, du coup ? Ouais, je pense. Cette fois, je pense faire 100 tournois pour essayer de profiter un peu plus, les échanges et tout, etc. Parce que quand t'es dans le tournoi, t'es tout le temps. C'est fatigant, bah, c'est tournoi. Ouais, c'est très fatigant, c'est une grosse journée. Sachant que, en plus, j'avais pas beaucoup dormi les jours précédents, du coup, Est-ce que je pense que t'as pas forcément de pause, t'as à peine fini ta ronde que t'en as gagné? Non, ça dépend comment tu joues. Il y en a des fois, moi, il y a une fois, il y a un contre quelqu'un en 20 minutes, c'était plié, mais des fois, ça dure presque 50 minutes. Donc, c'est vrai que ça fait des grosses journées. Je crois que Jiraya, il était 13h, il avait fait que sa troisième ronde, je crois, à mon souvenir. Donc. Et je lui ai dit derrière, il en restait encore 4 au moins. Ouais, c'est ça. Ça va, on a fini. Moi, j'ai fait les 7 à la 7e ronde. Ça devait être quoi, 18h, je crois, que je suis partie. Ah oui, quand même. Ah oui. Sachant qu'on était après, t'avais le top 16, je crois. C'était top 16 oui, après. C'est ça. Hein. Top 8, c'est ça. Non, top 8 peut-être. C'est un top 8 après, c'est direct. C'était pas un top 8 oui, direct. Oui, c'était 8. C'était 8. Ouais, c'était un top 8 à mon souvenir. Voilà. Et bravo aux commentateurs. Je sais pas, je les ai trouvés vraiment formidables. Vraiment bien. Et Jiraya, oui, toujours formidable aussi. Je le suis depuis tout début. Mais en tout cas, bravo aux commentateurs. C'était très agréable à regarder. Et puis, l'investissement. En tout cas, on avait bien vu que les gens étaient investis dans cette journée. Et ça, justement, quand tu vois que les organisateurs et leurs invités, etc., ils sont investis autant dans cette journée, ça rend d'autant plus agréable, en fait, l'événement. Voilà. C'est ça. T'es parti à quelle heure du Lore Canadé ? Je suis pas parti, ouais, ça devait être 18h15. Oh, l'heure de la pyro. J'étais juste allé voir vite fait Jérôme pour le remercier et tout, et après je suis parti. D'accord. Bon, t'as passé un bon moment, c'est l'essentiel. Ouais, franchement. Donc t'y retourneras. Ok. Ouais. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, par exemple, hésite à y aller ? Comme moi. Bah, de venir justement pour découvrir tout ça, que c'est toujours. Et en plus, ça reste toujours des réunions entre passionnés, donc. C'est toujours chouette et en plus il y a toujours plein de choses à apprendre. Moi je sais qu'à force de jouer contre des gens, du coup on discutait après et tout, on faisait un peu un débrief et comme ça ils permettent de donner des conseils ou voilà. C'est un tournoi bienveillant. Est-ce que ça doit bienveillant ? Il y a pas de même si y a... alors même s'il y en a beaucoup qui sont des experts, qui ont l'habitude et tout et qui sont speed. Ouais. Franchement les gens sont quand même super cool et tout. Il y a pas de rageux quoi. Non non non. On va te dire, être rageux sur un jeu de cartes, faut le faire. Mika, toi qui étais arbitre, est-ce que c'était possible d'être rageux sur un jeu de cartes ? Oh oui. J'ai pris un nion une fois. Hein. Non, mais ça peut partir. C'est déjà parti en bagarre. Donc, non, pour un jeu de cartes, non, mais faut arrêter. Ouais. Ça peut être violent. Ouais. Je pense que là, le jeu est réalisé. Le tour est. Mais après, j'ai du mal à réaliser aussi comment on peut tricher dans un jeu de cartes. Tu vois. Aussi. Je pense qu'il y a peut-être moyen sur la pioche ou un truc comme ça. Non t'as déjà chopé un tricheur ? Non, mais bon, j'ai connu des techniques de triche, les mecs qui. Alors, je sais pas, leur canard, j'ai jamais joué, mais qui. Avaient leurs cartes classées d'une certaine manière, en fait, en mélangeant et le mélanger d'une certaine manière. Si tu sais plus ou moins comment coupe ton adversaire, vu que tout le monde coupe plus ou moins pareil, tu savais où est-ce qu'il allait couper pour pouvoir. C'est une technique que j'ai essayée une fois pour voir si ça marchait sur un. Je ne sais pas si vous connaissez Yu-Gi-Oh ou pas du tout. Et ça marche. Parce que j'avais toujours, toujours, toujours la même main, un peu de choses près. Ouais, vu que tu peux avoir 4 fois la même carte. Voilà. Donc, faut être vigilant. Faut faire attention. Après de la triche, il y en a pas beaucoup. C'est plus les gens qui vont rager parce que L'effet de la carte, il est pas, les deux ne le comprennent pas de la même manière. Ouais, c'est ça. À la limite, ça, je peux comprendre. Est-ce que d'ailleurs, quand ouais. tu étais au tournoi, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas de la même manière le pouvoir de moi, la je carte sais ou que j'avais une carte que je comprenais pas, que je mettais en fait, j'enlevais. Pour moi, c'était enlever de la défense à quelqu'un alors que c'était enlever de l'attaque. Et après, on a vu, il y avait un arbitre qui était venu et tout. Du coup, on en a discuté et tout. Et du coup, il fait non, c'est tu enlèves de l'attaque et tout aux autres. Et en fait, au début, je sais, mais en fait, ça sert à rien. Mais en fait, c'est après en jouant que je me suis dit, bah, en fait, quand tu l'attaques, ça te fait que tu as moins. Il t'attaque moins quand tu l'attaques, du coup, ça te permet justement de protéger là-dessus, quoi. D'accord. Donc, t'as pu la comprendre au ouais, final. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon. Tout l'intérêt qu'il y ait des arbitres, et c'est vrai que là, c'était justement la première fois où ils avaient pu avoir des arbitres bénévoles, et justement, là, pareil, on remplissait une feuille pour notre deck. Voilà, c'était beaucoup plus officiel que les précédents ou ouais c'est le tournoi ouais. était vraiment fait un peu plus sérieusement c'est ça ou enfin je suppose ok bah à chaque fois il le faisait sérieusement mais c'est vrai que c'était oui c'est ça non je veux dire un peu force... plus pro. De un toute façon pro. C'est ce que voilà. c'est ce qu'explique Jérôme c'est qu'à chaque fois qu'ils font leur canadais ils prennent de ce que de ce qui est ce qu'ils ont pas réussi à faire de ce qu'ils précédent, ont hein. des retours qu'ils ont etc et comme ça après ils améliorent à chaque fois le tournoi le leur canadais voilà. Bon, en tout cas, ça va être l'air d'être un bel événement à vivre. Et puis, en tout cas, à regarder, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je vais voir si je vais aller au Lorcanadé le 1er juin. Voilà, on verra. Olivier, je sais pas, tu penses y aller, toi, ou pas, ou non, ou... Pas pour jouer, parce que je joue très rarement et je suis nul, mais... je vois avec Tony, s'ils veulent faire. Pour voir l'ambiance, bah, ouais, il voulait voir suivant les examens de sa fille. Hein. D'accord. C'est par rapport bon. À ça. Mais ok. Bon bah s'il y va, je pense que on va mettre le même t-shirt. On va mettre un maillot et puis. Bah oui. Une équipe franco-belge, tu sais. Franco-belge. La team MSA et MVL, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette expérience. Merci pour m'avoir expliqué. En tout cas, ça, comme je le disais, ça avait l'air d'être un bel événement agréable à participer. En tout cas, ça donne quand même, pour ceux qui aiment le jeu de cartes Lorcana, être une belle première expérience. Ouais, franchement, c'est top. Petite musique d'ambiance, faisons. Voilà. On va se quitter. C'était bien, on a beaucoup parlé. Petite ambiance chill, où on a pu parler enfin de ce film, de ce chef-d'œuvre. Tant attendu. J'ai hâte que le Blu-ray à 4K collector sorte. Je sais même pas ce que tu pourrais mettre en 4K dans ce film. En tout cas, on se voit bientôt, Olivier, pour la convention de Clément. Mika, ouais. Merci d'être venu. On te voit bientôt aussi à la convention. Donc, Clément, si on voit un Batman avec une Cronenbourg à la main. On sait. Un Batman barbu, on sait qui c'est. Voilà. Et Benjamin, c'est toi sa petite Robin ou pas? Je suis pas Robin, moi, tu rigoles. j'ai le costume, si tu veux. Non, mais... Genre, t'as le costume de Robin? Non, j'ai dit qu'un jour je ferais un cosplay, mais ça serait Spider-Man noir. J'avais dit que je le ferais un jour. Mais le Spider-Man noir, encore faut-il que je trouve le moyen d'avoir le temps de le préparer. Voilà. Nadège, merci. Avec plaisir. Merci de tout cœur pour nous avoir expliqué ton amour pour le film qui était Madame Web. Merci pour ton intervention pour l'Arcana D3. Donc le 4, tu vas y aller, peut-être qu'on s'y verra. Ouais. Si Tony participe au tournoi, je pense que je vais le faire. Attends, et tu viens pas pour moi, je suis déçu. Ah bah si, bien sûr. Ah bah voilà, monsieur. Hein, bien sûr. Et Olivier vient aussi pour toi. Sinon, non, mais franchement. Olivier va venir aussi. Voilà. Pourquoi pas, oui. Ouais, sinon, on prend juste un billet journée, comme ça on joue tranquille. Ah non, moi si j'y vais, chill, c'est pour la journée, mais aussi pour jouer. Oui, voilà, mais tu peux jouer chill après, sans, en faisant juste la journée, sans faire le tournoi. Oui. Mais en tout cas, oui, je pense que... Ouais, je n'ai pas encore pris ma décision, mais je pense que j'irai quand même. Voilà. Clément, merci. De rien. Merci. pour nous parler de cet événement qui est la North Con du Havre. Donc allez-y, je vais mettre le lien. Allez-y, honnêtement, vous allez pouvoir nous voir, nous toucher. Voilà. Vous allez même pouvoir, Clément, nous sentir. Oh, non, si quelqu'un me renifle, non. Vous pouvez renifler Mika, c'est pour renifler quelqu'un. Ou Olivier. Vous verrez Clément à sa boutique. Du coup, il va beaucoup marcher. Voilà. Mais vous pouvez le voir sur sa boutique Culture Gaming. Je vous mettrai le lien aussi de sa boutique en dessous du podcast. Voilà. Merci Clément. Merci Nadège. Merci Mika. Merci. Merci Olivier. Clément, la prochaine fois, je pense que tu vas venir nous parler de la Ponto Geek. Je pense que c'est au mois d'octobre que l'année dernière, je suppose. Carrément, c'est ça. Carrément, voilà. Et du coup, ouvert au TCG, de ce que j'ai compris, puisque tu as dit toi-même que peut-être que tu vas faire un coin TCG. Ce que tu... Ouais, on fait un coin TCG, ça c'est sûr. Mais même au final, comme en Monscon, il y aura un petit coin TCG quand même, avec de la bourse d'échange de cartes, Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, ça, il va y avoir un peu. T'as oublié l'Orcana aussi. L'Orcana aussi, excuse-moi. Attention, hein. Mais l'Orcana, tu n'y as pas joué. Quand je vais te voir, on va y jouer. Voilà. Vas-y, on fait ça. On fait ça. En tout cas, merci Clément. Mais, oui, on apprendra tous les deux. Vous ferez un deal. Voilà. Voilà. Merci Nadège, merci Olivier. Merci Clément, merci Mika. Alors, merci encore beaucoup pour votre écoute. Le dernier sur l'Orcana a été un des plus écoutés, si ce n'est le plus, puisque quand j'avais regardé, on n'était pas loin des... Je t'avais dit combien, Olivier ? Je ne sais même plus. 3000, ouais. Et je crois que c'est encore. Je crois qu'on frôle plus les 4000 maintenant. Je vais regarder ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Le prochain podcast sera sur je ne sais pas quoi, parce que j'ai plein de trucs en réserve. Je pense sans doute sur la série Fallout. Oh, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Ah ouais. Allez, on va bien. Ah ouais. Ah oui, c'est C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Hein. Franchement, j'ai pas depuis The Last of Us et celui-là, je crois que c'est... Ah, mais ça explose The Last of Us. Hein. Oui, ça explose, mais The Last of Us, c'est déjà excellent. Donc, je vous invite à regarder Fallout, Olivier, Nadège et Mika, afin qu'on puisse en discuter de toute façon. Et il y a, c'est sûr et certain, je pense même que plus le prochain, ce sera sur The Acolyte, un spécial Star Wars. Ça, j'avais promis à Tony. Il est déjà prêt en plus, celui-là. Voilà. Donc, du coup, ouais. Merci à tous. Gros bisous, et puis encore une fois, merci pour votre écoute. Bye. Bisous.